1er décembre de l'année 2022, donc ici David Obico, que vous pouvez entendre en compagnie de Berthold. Donc, ça va bien? Oui. Bon, ouais, tant mieux pour toi. En fait, ce que je dois mentionner aux gens, c'est que avant de débuter l'enregistrement, il s'est produit quelque chose de particulier, quelque chose qui arrive jamais habituellement. J'ai connu une panne d'électricité, donc quelques minutes avant de faire l'enregistrement avec Berthold, alors qu'en soirée, là, en général, il n'y a pas de panne d'électricité. Et ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque part, il y a des fois des phénomènes au niveau électrique ou autre, comme s'il y avait des forces qui voulaient nous empêcher de parler ou nous bloquer. Et c'est pas le premier phénomène que j'ai vécu. À un moment donné, j'étais supposé de faire une entrevue avec un invité et quelques heures avant, le propriétaire du logement où je suis est passé et il avait reformé la porte, sauf qu'il n'avait pas barré la bonne poignée, donc je pouvais pas rentrer chez moi pour faire l'entrevue. Puis c'était une première entrevue avec un nouvel invité que je recevais, fait que je voulais faire comme bonne impression, puis tu sais, tout préparer mes choses à l'avance, fait que ça a tout défait mon setup, mais ça m'avait mis en vibration. Et là, à ce soir, je suis un petit peu plus électrique que d'habitude. Et cette opposition que j'ai vécue, dans le fond, m'amène à te poser, entre autres, la question. Toi, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des concours de circonstances, soit quelque part, des forces cherchent à te mettre en tension par rapport à des prises de parole? Oui, des fois. Mais j'essaie de ne pas prêter d'intention à ça non plus, là. J'essaie de pas trop l'interpréter, mais des fois, oui. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, ce qui est particulier, c'est que j'ai une panne d'électricité en soirée, alors qu'habituellement, ça arrive jamais par rapport à une de tes entrevues. Des fois, c'est arrivé ponctuellement sur deux jours, où ce que Hydro-Québec, ici au Québec, va faire des pannes d'électricité, va créer des périodes où ce que les gens manquent d'électricité, mais c'est pour rajuster des fils ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, je vais y aller avec le sujet principal de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, le sujet que j'ai préparé pour cette rencontre, je voulais aborder avec toi la question de la surpopulation. C'est-à-dire que récemment, au mois de novembre de l'année 2022, la Terre a atteint 8 milliards d'habitants et la population mondiale est censée encore augmenter. Il y a une grande croissance de la population au fil des derniers siècles, faisant suite à la révolution industrielle. Pour aborder avec toi le sujet de la surpopulation, qui est quand même un sujet assez vaste, eh bien, je vais te présenter là, quelques informations statistiques par rapport à ça, en lien avec une vidéo que j'ai écoutée récemment sur YouTube, qui s'intitule « 8 milliards, les humains trop nombreux ?» point d'interrogation. Donc, il y avait un panel d'invités qui visait à répondre à la question. Et j'imaginais, Berthold, si tu avais fait partie du panel d'invités, qu'est-ce que tu aurais pu répondre? D'où le fait que je vais te poser des questions en lien avec le sujet de la surpopulation. Mais juste avant, je veux mentionner aux gens que en 1803, il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre. Ensuite, en 1974, 4 milliards. En 2022, donc cette année, au mois de novembre, 8 milliards d'habitants. Et il est prévu qu'il y en ait 10 milliards d'humains en 2080. Et par la suite, suivrait la baisse démographique. Donc, on serait dans une période qu'on se dirigerait vers une transition démographique, en fait, entamée dans les pays occidentaux, qui est censée se généraliser aussi pour les autres pays, avec le passage à une espérance de vie qui augmente, avec amélioration d'hygiène, alimentation, santé et diminution de la fécondité. Donc, les gens se mettraient de plus en plus à vivre plus longtemps et auraient moins d'enfants. Et il y aurait une augmentation naturellement du nombre de personnes âgées. Donc, par rapport à ce scénario qui est dressé par rapport des spécialistes de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont il a été question dans la vidéo, donc, je vous partagerai le lien web là, en bas de l'enregistrement d'aujourd'hui. En fait, par rapport à ce scénario démographique qui se dessine devant nous, est-ce que pour toi, la Terre, présentement, elle connaît Premièrement, est-ce que selon toi, il y a un problème de surpopulation ou non? Ben, la surpopulation, c'est parce que c'est défini. Je veux dire, c'est défini par des gens, mais au fond, c'est de la façon dont les ressources sont gérées. C'est plus ça le problème que le nombre de personnes, là. Donc, la surpopulation, c'est défini comment? Ben, selon un consensus lié à des gens qui ont les mêmes intérêts. Mais c'est subjectif, là. Je veux dire, c'est quand qu'on considère qu'il y a une surpopulation. Je veux dire, si les choses étaient gérées plus intelligemment, on pourrait peut-être être 20 milliards, sans problème. Donc, il y a des gens que, comment je pourrais dire ça, on vit dans un monde où les ressources, puis bon, il y a des gens qui sont plus puissants que d'autres, qui possèdent plus de choses que d'autres. Puis c'est sûr qu'ils vont pas dire c'est nous de la façon dont on gère notre richesse qui est le problème, ils vont dire c'est parce qu'il y a trop de monde. De la même façon que quelqu'un qui a une usine qui aurait trop d'employés pour que ça reste rentable, ça serait pas rentable parce qu'il paye trop d'employés pour les tâches qu'il a à faire. Il considérait qu'il y a trop d'employés puis justifierait pour faire des mises à pied. Mais au fond, ça peut, je veux dire, c'est défini comment qu'il y a de la surpopulation. C'est pas factuel comme une radiographie d'une fracture, là. Il faut que ça soit défini selon les paramètres de gens qui sont dans un consensus, parce que c'est ça qui va selon leur intérêt de dire ça. Mais moi, à mes yeux, la surpopulation, c'est pas, je veux dire, c'est un concept, là. C'est conceptuel, dans le sens, c'est défini par les gens que, eux, selon leurs critères, là, à partir de ce moment-là, il y a de la surpopulation. Mais il reste. C'est comme l'idée, ah, il y avait tant de milliards d'individus sur Terre en 1904. C'est n'importe quoi. Je veux dire, est-ce qu'il avait recensé tous les indigènes en Amérique du Sud, dans les jungles, puis les Papous en Nouvelle-Guinée? Voyons. C'est comment que ça a été colligé, ces informations-là? C'est impossible à cette époque-là qu'il ait pu recenser tous les humains. Ben, Donc, c'est sûr qu'il n'y avait c'est pas les encore des moyens. modélisations. Oui, c'est sûr, c'est des modélisations statistiques. C'est sûr qu'il n'y avait pas, en 1900, les moyens statistiques qu'on a d'aujourd'hui. Mais il en reste tout de même que le scénario, dans lequel on se trouve, c'est que lors de l'année 2022, où on fait cet enregistrement, on a passé le cap, du 8 milliards d'habitants sur Terre. Et c'est sûr que la question se pose, c'est que si la tendance se maintient, d'ici 2080, on se dirige vers le 10 milliards. Donc, est-ce que la situation va être soutenable pour 10 milliards d'habitants sur Terre en termes d'accès à l'eau potable, accès à l'éducation, accès aux ressources minimales pour être capable d'avoir un mode de vie décent? Ben, premièrement, moi, je ne crée pas ça, là, ce qu'ils disent. Je veux dire 8 milliards, oui, comment je fais, moi, pour vérifier? Je Bien, pense il y a qu'il des m'aura beaucoup recensements qui plus sont de faits gens dans les différents convertis. pays, là. Tu sais, je veux dire, le Canada, tu sais, des données statistiques sur la population, la France, les différents pays dans le monde. OK, puis quand un pays comme le système communiste chinois nous donne ses chiffres, faut tout prendre ça comme si on leur fait confiance et on prend ça pour du cash tout le temps, peu importe le pays. Non, Je je veux dire, comprends qu'il moi, je peut y trouve avoir pas des ça pays qui font de la fiable. désinformation, des Il fins de meurt bien plus propagande. de monde qu'on nous le dit. Moi, je pense qu'il meurt plus de monde en ce moment qu'il y en a qui viennent au monde, là. Puis depuis un bout de temps. Bon, je pense, j'y crois pas à ce qu'on nous raconte. Fait que donc, puis je peux pas vérifier. C'est pas moi qui vais aller faire le recensement, là. Non, sans pour autant. c'est sûr que ça serait long, là, faire le recensement de l'ensemble de la population de l'humanité. Mais c'était de regarder avec toi, parce que là, bon, la vidéo présente des experts, des gens qui ont des compétences en matière de démographie. Mais à regarder au niveau, avec toi, au niveau occulte ou intuitif, par rapport à cette question à savoir sur la surpopulation, qu'est-ce que ça dit intérieurement? Ben, c'est comme ce que je te dis, c'est intuitivement. Bon, la surpopulation, c'est quelque chose qu'on agite pour justifier. Comme là, on va avoir une crise économique, il y a des pénuries créées artificiellement. Puis, c'est la population encore qui va être le bouc émissaire. Donc, c'est tout le temps comme ça. Donc, intuitivement, moi, je te dis, je crois rien de ce qu'on nous sort. Tout ce qui sort de l'ONU, Voyons, on le sait que, je veux dire, même au début, la Société des Nations, puis bon, ça a tout le temps été la même, bon. Mais il reste que moi, je me fie pas à ça, je peux pas me fier à ça, fait que je pense pas. Puis même occultement, quelque part, bon, ça fait partie de les programmations là, planétaires collectives. Ça m'interpelle pas tant que ça. Mais je crois pas à la surpopulation. C'est un problème de gestion. C'est sûr que si t'as 15 enfants puis que t'as pas les moyens de les nourrir, tu vas dire ben j'ai de la surpopulation. C'est tout. C'est vraiment une façon de justifier ce qui s'en vient. Bien, à travers la vidéo, ce qui était question à travers les intervenants, c'était la question de la consommation individuelle, dans le sens que si les gens consomment tous autant que les Américains, que ce soit en termes d'utilisation moyen de transport, ensuite manger de la viande qui demande beaucoup de ressources. Donc, si on a tous la même empreinte carbone, puis que les gens aux États-Unis, là, ça devient problématique, là. Ils disaient, c'est Non. sûr qu'eux autres, ils faisaient des liens avec l'agenda écologique Parce que les aussi. autres, ils disent ça. Mais c'est encore, c'est une affaire de gestion des ressources, pas de surpopulation. Mais eux autres, ils vont tout le temps mêler ça ensemble. Parce que c'est des physiocrates, c'est des ressources humaines, ça fait partie des ressources. Eux autres, c'est comme un élevage. Là, ils chialent, on a trop de cochons pour le bledin qu'on a. Pour que nous autres, on continue à tenir, nous autres, en tant que multimilliardaire, puis bon, de notre mode de vie. Mais ça va tout le temps être la faute des cochons. Mais Et là, il y a trop de cochons. des nuances à apporter quand même, parce que dans les discussions, il y avait des spécialistes qui disaient, ben non, on peut avoir plus d'êtres humains, mais en autant que les gens consomment moins de pétrole. Ensuite, au lieu de manger de la viande, ben ils mangent de manière végétarienne, donc modifier les modes de vie. Fait que là, je voyais que derrière. Si on. L'affaire qu'il faut regarder, c'est que le boom démographique qu'on a eu juste après la révolution industrielle, il est lié au pétrole. Ça va ensemble. Donc, bon, je sais pas, là, c'est parce que là, ça devient comme une affaire, au lieu de dire, comme il y a eu à certaines époques, ben là, faut s'arranger pour faire baisser le niveau de vie pour qu'il y ait plus de mortalité. On a trop de monde. Là, c'est l'empreinte carbone, puis c'est la même crosse, mais c'est plus subtil. Alors, on me fait croire que c'est pour l'environnement. Mais Mais là, c'est c'est pas, ça que n'a pas rapport. C'est quoi l'empreinte carbone, dans le fond? Je veux dire, les Américains, ils se promènent pas. C'est qui se promène en jet privé, puis qui. C'est pas le citoyen moyen qui a une empreinte Non, carbone. non, c'est sûr que c'est le membre de l'élite qui vont utiliser des avions et ainsi de suite, mais le citoyen moyen, le simple fait qu'il utilise l'automobile régulièrement à essence, là, c'est vu comme étant un geste qui rendrait la situation invivable si toutes les mêmes habitudes de consommation seraient généralisées à l'ensemble de Les l'humanité. gens, ils n'ont même plus moyen d'avoir un char. C'est en train de se régler, là. Avec l'inflation, penses-tu que le monde pollue comme il polluait? T'as du monde, ils travaillent 40 heures semaine, puis ils ont de la misère à manger. Penses-tu qu'ils vont aller faire des voyages des voyages d'agrément au prix qu'ils gazent? Non, Ils sont en train exactement. de régler ça. Autrement dit, c'est comme une mécanique autorégulée que si l'essence coûte plus cher, automatiquement les gens vont moins voyager, là, notamment en avion et Ouais. autres. C'est pas pour rien que moi j'avais déconseillé de se départir ceux qui ont des investissements dans le pétrole. Le monde commençait à se débarrasser de ça comme ça allait monter. Ah. Ça décroche, là. La population est menée par le bout du nez, la majorité. Ils embarquent tout le temps dans les pièges. C'est de même que le monde, ils se font. Là, on culpabilise le monde, leur mode de vie. De la classe moyenne, elle n'existe même plus, la classe moyenne. Tu sais, à un moment donné, prends un programme comme les Simpsons. Bon, à un Ouais. moment donné, il va falloir qu'ils annulent ça, ce programme-là. Parce que le concept, c'est une famille de la classe moyenne, c'est-à-dire un homme qui fait vivre trois enfants puis une femme, puis ils ont leur maison, puis ça n'existe plus, là. Une bande C'est plus ça, la dessinée classe maintenant. qui a été développée dans les années 1990. Donc là, c'est sûr qu'en effet, en 2022, au moment où il fait cette capsule audio, c'est en train de disparaître, là. Ben, est-ce que ça marche plus? C'est rendu anachronique. Ben, c'est plus de même. En plus, il me semble qu'ils ont deux chars, eux autres. Aussi. Donc, bon, moi, je le vois pas. Il est où le problème? Ils sont en train de forcer le monde à consommer moins de pétrole. Mais c'est parce que ce que je voulais en venir avec toi, c'est que, parce que quand on a passé à 8 milliards, il y a eu, bon, des émissions de TV, radio, etc., pour souligner ce phénomène-là particulier. C'est que moi, j'ai l'impression que combiné, parce qu'on avait fait une capsule audio qui portait sur une capsule vidéo aussi, là, ouais, qui portait il y a quelques semaines, là, sur la question des changements climatiques. Donc, j'ai l'impression qu'on va combiner la question de la surpopulation et des changements climatiques pour justifier éventuellement des politiques de contrôle social, là. Ben, c'est sûr. Mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est venu au monde très, très aisé dans des classes sociales au-dessus là, de la moyenne. Pour eux autres, ben, le monde ordinaire, s'il y en a beaucoup, c'est comme de la pollution. Fait que c'est assimilable là, dans leur idée. Mais on voit d'où ça vient, ces idées-là. Et c'est justement la raison pour laquelle je voulais parler avec toi qu'en cette année 2022, il y a eu la destruction des Georgia Guidestones pendant le mois de juillet, qui ont été détruites. Donc, pour le mettre un petit peu en contexte pour les gens qui nous écoutent, c'est que c'est un monument fait de granit qui a été érigé en 1900 en Géorgie, aux États-Unis. Et ça a été construit avec un souci de véhiculer un message dans 8 langues différentes, anglaise, espagnole, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. De Pas nombreux, français. il n'y a pas le français, non. De nombreux commandements, dont celui maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Donc, ça a été détruit cette année. Puis cet agenda-là, c'est sûr que ça sous-entendait qu'il y avait un problème de surpopulation, là, je veux dire. En 1980, on était déjà plus que 500 millions. Ben en fait, ça soutient qu'il faut gérer la population. Dans le fond, c'est idéologique. Oui, mais en même temps, depuis 1974, si on est à 4 milliards, puis on dit qu'il faut réduire ça à 500 millions. Pour 1980, ça représentait quand même une grande partie de la population à réduire. Ben oui. Mais ça joue avec les chiffres, là. Dans le sens que, bon, on va te mettre une année, mais. C'est des jeux de chiffrage. Comme les Guidestones, il y avait une sorte d'embrasure. De la façon que c'était fait, il y a un endroit qu'il y avait un coin pour mettre un cube. Un petit cube qui rentrait parfaitement. Je parle les pierres qui soutiennent là, les linteaux. Il y avait une place, puis à un moment donné, un matin, le cube il était là. Puis en tout cas, c'est des jeux. Dans le fond, c'est une façon de. Mais il reste que, bon, qu'il y ait des trous sous, moi, ça ne change rien parce que justement, pendant qu'on regarde ça, je veux dire, dans le fond, ça, c'est pas important, là. Ben, c'est pas important. C'est-à-dire qu'on voit que derrière ça, il y a quand même un plan puis une volonté de réduire la population. Puis là, j'ai écouté cette vidéo-là dont certains spécialistes parlaient de l'importance puis de l'urgence de réduire la population mondiale parce que on va avoir un problème de Mais répartition des ressources. ils sont drôles, ils parlent tous de ça. C'est comment qu'on fait ça, réduire la population? Je veux dire, moi, à mes yeux, ça, c'est faire l'apologie d'assassinat, Ne nous de affolons pas purge. sans aller là. Il peut y avoir Ben, la voyons, promotion de David, la comment est-ce qu'on réduit la contraception. population? On fait ça comment? Ben, j'allais y venir. Un des moyens qui a été employé par la Chine, ça a été de mettre en place la politique de l'enfant unique de 1979 à 2015. Ça n'a pas marché, puis pourquoi ils ont arrêté ça? Ben, en fait, ça a eu un certain fonctionnement. Parce que, dans le fond, la Chine, là, elle tombe dans un vieillissement et puis en expansion là, de population là, pour les prochaines décennies. Là. Donc, la quantité des gens va diminuer, puis ça va être l'Inde là, qui va prendre le relais là, comme pays plus populeux, là. Ça dépend ce qui arrive. Parce que des populations qui ont eu moins. De mesures, je dirais, de régulation là, de la population pendant 2 ans, là, parce que ça veut pas, ça va avoir réduit la courbe démographique un peu. Ces affaires-là, tu as des pays du tiers-monde où il y a eu moins de mesures, eux autres, ils vont se faire purger autrement. Mais oui, ça c'est sûr qu'en effet, il peut y avoir d'autres événements dont certains parlent, c'est sûr, des changements climatiques qui amèneraient des inondations, entre autres. Ben oui, puis l'Inde, ça prend pas grand-chose pour que tu aies un drame humanitaire, là. Parce que tu as une grande majorité de la population qui est déjà dans un état de précarité extrême. Donc, tu as juste empiré les conditions un petit peu. Puis là, tu as une catastrophe. C'est comme des dominos, ça fait une réaction en chaîne. Mais le point que je voulais faire, c'est que tantôt, je faisais allusion à la politique de l'enfant unique qui a été relâchée en 2015, mais par la suite, les couples sont autorisés à avoir 2 enfants pour faire face au vieillissement de la population, aux besoins de la croissance économique. Je présenterai l'article de Radio-Canada par rapport à ça, mais le point, c'est qu'ils ont comme adouci un peu pour que la population se maintienne parce que le déclin devenait grand puis il y avait besoin de main-d'œuvre. Mais ce type de politique-là pourrait être généralisé dans les différents pays de l'ONU dans l'optique de stabiliser la population mondiale, puis Ben, s'ils font ça, c'est une dictature. Sais, je veux dire, admettons, peu importe, là, je veux dire, la Chine, ça a tout le temps été une dictature. Peu Oui. importe même les dynasties qu'il y a eu, puis bon, des fois, c'était plus ou moins brillant, plus ou moins gros, plus là, ça a changé beaucoup. C'est un coin qui a tout le temps, bon, mais il reste que ça a tout le temps été une dictature, parce que les Chinois, c'est des Chinois. Ça a tout le temps été. Le monde a tout le temps été géré un peu comme de la ressource humaine. La vie humaine a tout le temps été une valeur bien. C'est pas la même mentalité qu'ailleurs. Donc, bon, si jamais l'ONU se met à sortir des affaires de même, comme on a vu en Chine communiste, on n'est plus en démocratie, là. De toute façon, mais c'est de la dictature, ça. Oui, mais eux autres, ils pourraient justifier que plusieurs pays, pour faire face à une menace commune, un peu comme le discours de Ronald Reagan qui disait, s'il y avait une menace extraterrestre, ça c'était pendant la période où il y avait le bloc de l'Est et de l'Ouest, les capitalistes et les communistes, tout le monde serait uni pour faire face à la menace. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que présentement, la menace commune, c'est les changements climatiques. Et certains spécialistes de la démographie disent, c'est l'augmentation de la population qui pourrait amener une Bon, baisse du milieu de vie de plusieurs personnes ou la pauvreté. qu'est-ce qu'ils ont à chialer? Les changements climatiques vont réguler la population. Tu sais, dans le fond, là, c'est des paradigmes extrêmement limités. Puis c'est idéologique, c'est politique, c'est lié à des intérêts, c'est financé. Regarde, Greta Thunberg, il y a des financiers qui sont en arrière de ça. Donc, à un moment donné, là. Moi, le jour où le gouvernement, là, il décide, là, le nombre d'enfants que les familles ont, là, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie, puis c'est clair qu'il y a une majorité de monde qui ne veulent pas ça. Donc, on n'est pas en démocratie. En démocratie, c'est la majorité qui décide. Mais là, c'est parce que ça ne fait pas partie de nos valeurs, point final. Je veux dire, ça ne marchera pas, là. Même en Chine, là, ça commence à aller mal. Je veux dire, ils sont beaucoup de monde, hein. Bon, ben, s'ils choquent tout en même temps. Là, c'était rendu que les images de la Coupe du Monde, ils floutaient le public. Ben oui, pour pas que les gens à l'extérieur les gens en Chine réalisent qu'il y a des gens à l'extérieur ils peuvent se rassembler en groupe, ils portent pas de masque. Et voilà. Puis là, les médias essayent de nous vendre ben, c'est à cause de l'hypocrisie puis des mesures sanitaires du gouvernement chinois que la population se révolte. Puis, OK, ici, c'était pas pour ça que la population se révoltait. C'est la même affaire. Pourtant, c'est deux poids, deux mesures. Mais il reste que si ça n'a pas de bon sens, la politique zéro COVID en Chine, est-ce qu'on peut considérer que peut-être qu'il y avait du monde choqué ici pendant le confinement parce que ça n'avait pas plus d'allure? Exactement. Le paquet d'enfants qui sont malades en ce moment, c'est pas du COVID, c'est parce qu'ils ont le système immunitaire à terre, ils ont été privés de socialiser pendant 2 ans, puis avec des chiffons d'en face. Sont affaiblis, c'est sûr. Moi, je l'avais dit même avant qu'ils commencent, même avant le confinement, on avait eu une entrevue, j'avais dit, ils vont faire des mesures, puis ça va tuer plus de monde que ça va en sauver, c'est évident. Le gouvernement est bien plus dangereux. Parce que c'est des techniques de gestion de la ressource humaine, les populations. C'est tout. Puis pourquoi est-ce que ça a été coordonné? Parce que là, souvent, on se fait répondre, ben oui, mais pourquoi il y a un consensus, puis c'est pareil partout dans le monde, puis c'est planétaire, puis blablabla. Oui, ben c'est des firmes privées transnationales qui conseillent. C'est les Exactement. mêmes. C'est les mêmes financiers qu'il y a en arrière, puis dans le fond, c'est toute la même. Donc, non, c'est un peu comme là, dans le fond, parce que c'est un peu comme là, Justin Trudeau, moi, à mes yeux, c'est l'employé de l'âge des Chinois. Il nous fait croire qu'il y a une prise de bec avec Xi Jinping, puis non, ça, c'est du théâtre. Mais j'y crois pas 2 secondes. L'affaire, c'est que bon, qu'on le veuille ou pas, ce qui mène le monde, c'est la finance internationale. Puis, on a partout des agents de la finance internationale qui sont là pour endetter le peuple le plus possible. Puis, ça fait longtemps que c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils ont endetté la France, dans le temps de Louis XV. De Jeanne Poisson, Madame de Pompadour, ben elle venait des familles de banquiers, puis elle avait été dressée à divertir le roi. Le roi, lui, il dépensait, et c'est pour endetter le pays. Puis c'est tout le temps comme ça. Mais là, ça, je veux dire, comment ça se fait que là, c'est de la faute parce que là, comme là, il y a des pénuries, c'est à cause de la demande. C'est tout le temps de la faute du monde. Non, C'est non, jamais de c'est tout la le temps faute de des culpabiliser gestionnaires. les gens, puis par rapport à la question de la surpopulation, parce que moi, je vais avoir un enfant dans quelques jours. Ben là, tu sais, en écoutant certaines personnes, on nous fait quasiment sentir coupable d'avoir des enfants, tu sais. Ben moi, quelqu'un qui essaie de faire ça, il va être jugé coupable tout de suite. Je veux dire, ça n'a tellement pas de bon sens, culpabiliser le monde qui ont des enfants. Parce que là, si l'enfant, il génère une empreinte de pollution, puis là, de gaz, d'utilisation de gaz à effet de serre lié à sa vie, puis tout, tu sais, c'est comme on nous fait, ça a pas de sens, là. C'est inhumain. Je veux dire, tu calcules pas la valeur d'un individu par rapport à ce qu'il fait de CO2, par rapport à ce qu'il rapporte ou ce qu'il prend. C'est pas à ça qu'on juge quelqu'un. Tu sais, dans le fond, là, c'est pas ça qui fait la valeur d'un être humain. Mais là, le monde, ils sont en train de se faire conditionner, ils vont perdre leur âme, là, quelque part. Dans le sens que, ben là, on est dans une distorsion cognitive totale. Ça n'a vraiment aucun sens. Si c'est ça qui fait la valeur de quelqu'un, il y en a qui vont être dans la mort, dans le maudit, parce que ça continue à s'acheter des jets privés, puis c'est eux autres qui ont une empreinte carbone. Grave. Bon, pourquoi est-ce que c'est le monde ordinaire qui ont des enfants qui se font regarder croche? Voyons donc. Tu sais, je veux dire, c'est qui a des empreintes? C'est ceux qui nous font la leçon puis la morale puis qui essayent de transférer ça sur la population. C'est ça, c'est aberrant de voir l'hypocrisie des dirigeants. Puis nous faire la morale, puis culpabiliser les gens, c'est abominable ce qui se passe dans les médias de masse. Ben oui, puis je veux dire, comme c'est lié à de la répétition du conditionnement, puis les gens sont un peu comme, ils se rendent pas compte de ça, mais il y a quelque chose là-dedans d'un confort, je veux dire, c'est des techniques de psychologie, ils savent comment les gens fonctionnent. D'un autre côté, quand tu vois tout ça, tu sais, je veux dire, sans avoir besoin de réfléchir, ça tape à un moment donné, tu le vois clairement. Ces tactiques-là, ces façons de. Ben, à un moment donné, c'est que tu viens. C'est dur sur le moral. Ça prend des années pour s'habituer à comprendre comment que, dans le fond, c'est de l'hypocrisie tout le temps. Je veux dire, il dit, ah, faut que le citoyen ordinaire fasse sa part. Il a fait sa part. Je veux dire, il se promène pas en jet privé. T'sais, il y a bien des affaires qu'on reproche aux citoyens moyens qu'ils ne font même plus parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, bon, non, c'est n'importe quoi. C'est comme la démographie. En fait, au Québec, on devrait plus s'inquiéter de notre chute démographique. Puis, on devrait considérer que c'est un devoir de faire des enfants, comme ça avait été vu avant. Oui, quand Mais il y a la non. politique de peuplement, là, dans le temps de l'Église, du clergé ici, Les gens étaient non seulement invités à faire des enfants, mais on les culpabilisait s'il n'y avait pas davantage d'enfants, dans le sens que le curé faisait du porte-à-porte à chaque année pour voir si la femme était enceinte. Puis si elle ne l'était pas, elle se faisait parler là, par le curé puis pour qu'elle se sente coupable d'aller à l'encontre de la famille, si, surtout si elle utilisait des moyens contraceptifs. Parce que là, comme c'est là, on nous tient un double discours que faire des enfants, c'est rendu quasiment un crime contre la planète. Oui. Mais il faut faire venir des immigrants parce qu'il y a une pénurie de personnel. Puis là, ils sont en train de s'arranger pour les régler les pénuries de personnel en faisant venir plus d'immigrants. Puis, ben oui, mais il y a une pénurie de logements aussi. Ils vont aller où, ce monde-là? On est en train de créer des conditions pour avoir des esclaves qui vivent dans des cages à poules, là. Exactement. Donc, on se prépare à. Moi, ce que j'allais dire, ben, en fait, la vidéo, vu que tantôt on a fait allusion de manière explicite là, à la question de la COVID, je vais la mettre sur Odyssey, fait qu'on va parler librement OK. pour le reste de la vidéo, en fait, au lieu de manière subtile. Moi, en fait, ce que je te dirais, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une dégradation sociale, puis le scénario que je te parlais des Guidestones. Pourquoi que ça a été détruit cette année? Ce que je trouve, c'est que c'est curieux que c'est la même année où ce qu'on entend parler, là, c'est aux États-Unis, il y a des compagnies d'assurance qui disent que c'est curieux, la mortalité a augmenté depuis que les gens se font vacciner contre la COVID. J'ai des vidéos sur Odyssey et d'autres plateformes, on voit entre autres des caillots sanguins. Il y a des gens qui s'occupent de faire des embaumeurs qui disent, regardez, on n'a jamais vu ça, c'est documenté. Il y a plein de cas de jeunes, la mort subite de l'adulte. Chris, on voit ça arriver cette année. Puis là, les gens, ah, c'est les changements climatiques, tabarnak. Si à un moment donné, il faut arrêter d'être stupide avec des Ben, explications bidons. tu sais, des fois, c'est tellement choquant que tu te dis, ben, peut-être que c'est mieux de même, dans le sens que le monde, il est plus idiot, ils vont mourir. Parce que ça devient un jeu dangereux là, de manquer de discernement, là. Tellement on vit dans un monde de mensonges. Il y a bien du monde, ils vont mourir parce qu'ils ont manqué de discernement. Oui, mais c'est en tout cas, je trouve ça navrant de voir la situation déplorable. Tu sais, il y a des athlètes sportifs, des jeunes en fleur de l'âge, dans vingtaine, des joueurs de basketball, football, les différents sports, des athlètes, Chris, ils font des crises cardiaques ou ils meurent. Puis ça Ben, fait c'est au-dessus sûr. d'un an, puis on n'a pas d'explication, ils ne sortent pas d'explication cohérente. La mort subite de l'adulte, il y a plein de cas, il y a plein d'anomalies dans tout ça. Les compagnies d'assurance, j'ai l'impression que c'est peut-être eux autres qui vont faire sortir la réalité, parce que s'il y a Ben plus de oui. monde qui meurt, à un moment donné, ils sont obligés d'augmenter les primes. Si tu augmentes une prime à quelqu'un, faut que tu justifies. Ben oui, mais là, d'un autre côté, bon, il y a des banques en arrière des compagnies, là, puis ça se, tu sais. Donc, ils font attention aussi. Mais il y a des compagnies d'assurance qui vont faire faillite. Ou bien à un moment donné, comme tu dis, il va falloir qu'ils justifient pourquoi, quand tu as été multiple dosé, ta prime est plus chère. Ça devrait être le contraire. Ils n'auront pas le choix à un moment donné. Ben moi, j'ai l'impression qu'ils vont être confrontés à des réalités. Au moment qu'on se parle, en ce début de décembre 2022, dans les médias de masse, là, ça sort que finalement, la vaccination, ça a de l'impact sur les menstruations chez les femmes. Ben, ça fait 2 ans, nous autres, Ben qu'on est au oui, ça fait courant. 2 ans qu'on le sait, tabarnak, mais on peut pas parler sur YouTube parce que je suis On censuré n'a à pas le chaque droit. fois. On n'a pas le droit, tabarnak! Non, ça fait 2 ans, là. Ben Il y a bien oui! des affaires, là, ça commence à sortir Ben tranquillement, oui, OK, puis mais tu sais, ça fait c'est le 2 ans volet que... comme inoffensif en disant, ben écoutez, c'est mieux que les femmes aient des problèmes au niveau menstruel, mais qu'ils soient protégées contre le virus qui est meurtrier. Dans la balance des pour et des contre, on nous vend ça, mais comme j'expliquais à ma compagne, ça c'est la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on dit, oui, il y a des effets, mais c'est le volet comme politique correct ou pas trop compromettant. Ça met pas en échec la campagne de vaccination. Ben oui, mais regarde les conférences de Bill Gates. Avant de commencer à parler de la vaccination, puis des pandémies, puis de ces affaires-là, il passe 45 minutes à t'expliquer qu'il y a de la surpopulation. Ah, mais ça donne comme ça. Ben non, mais là, tu sais, je veux dire, il faut lire entre les lignes. Pourtant, on peut pas dire qu'ils sont malhonnêtes. C'est le monde qui est idiot. Oui, ben, il parle de surpopulation, mais lui, c'est pour la campagne vaccin, améliorer le niveau de vie, puis ce qui va faire en sorte que les gens vont faire des choix plus éclairés, puis ils vont, par la suite, un peu comme ce que je te parlais, puis ça se produit dans les pays occidentaux, là, la transition démographique, c'est-à-dire que les gens ont moins d'enfants, puis ils vivent plus vieux. Ça, c'est une crosse. C'est sophistique. C'est un peu comme la théorie du ruissellement qu'on avait vu en économie. Ou bien, il y en a une, elle avait théorisé, elle appelait ça l'égoïsme rationnel. Fait que bon, c'est des amancheux dans le sens que c'est carrément des montages intellectuels pour vendre. Je veux dire une idéologie dans le fond. C'est présenté comme des faits, puis comme une science. Mais dans le fond, la science qui est derrière tout ça, c'est l'eugénisme. C'est ça, mais quand tu regardes ça, c'est comme, si la personne est vaccinée, ça va améliorer sa santé, donc elle va vivre plus vieux. Peut-être qu'elle va vouloir moins avoir d'enfants pour compenser la mortalité, vu que les enfants vont vivre plus vieux parce qu'ils vont être vaccinés. Ça se tient pas. Je Bon, en tout sais, cas, je mais... trouve ça n'importe quoi. C'est là que si tu lentes les lignes, tu comprends à un moment donné. C'est un peu comme dans le temps que les gens pauvres au Québec, on leur l'état, bon, même quand tu étais enfant, puis tout, ils soignaient pas les dents, ils les arrachaient. Si tu étais d'une famille pauvre. Parce que ça revenait moins cher. Bon, mais c'est juste de la marbre, là. Je veux dire, c'est une façon, dans le fond, c'est comme dans le temps qu'ils ont fait exprès pour faire une mode pour que les ouvriers ils se fassent arracher les dents puis poser des dentiers. Mais c'est parce qu'il y a des compagnies qui ne voulaient pas payer les assurances dentaires. Il fait qu'ils te payent un dentier. C'est tout le temps pour ton bien, hein? Ils veulent ton bien dans le sens tes actifs financiers, puis ils vont s'organiser pour l'avoir. Ouais, mais ça va tout le temps te montrer comme. C'est des bons pères de famille. Ça, dans le fond, c'est des attitudes de chef de compagnie qui se fait passer pour le bon père de famille, la prime de Noël. Ben, c'est ça que j'avais en tête. Tu me devances. On est connecté à la même source, décidément, parce que là, François Legault, le premier ministre du Canada, du Québec, ça serait encore pire, ça serait le Canada, probablement qu'il nous endetterait plus que Justin Trudeau, mais en tout cas. Mais bref, il nous a promis notre cadeau de Noël. Vu que les gens ont été des bons citoyens, ils ont voté pour lui, vous allez avoir votre nanane, c'est-à-dire on va vous donner ces entre 400 puis 600 là, dans les prochains jours, juste avant Noël pour le magasinage des fêtes. Tu sais, juste faire ça, là, faire une campagne électorale en disant si on est élu, vous allez recevoir un chèque, ça devrait être interdit. Exactement, c'est une forme de petite corruption. Ben, Chris, pourquoi que c'est juste nous deux qui le voient, ça, tabarnak? ils achètent les votes du monde. Ben, Ben, tu sais, l'argent rend aveugle. dans le temps, tu avais l'Union nationale, ils payaient des frigidaires Oui, puis des exactement. caisses de bière. Puis aujourd'hui, tu as du monde qui parle de ça. C'était épouvantable, comme si ce qui se passe maintenant, ça a bien du bon sens. Mais non, c'est ça, C'est la c'est même aussi chose. pire. C'est encore de cette manipulation des gens avec l'appât du gain, puis la corruption de l'âme, puis tout le monde est achetable avec un prix. Ils nous ont fait des cadeaux au printemps, les gens en veulent encore. Là, ils vont avoir leur chèque pour le temps des fêtes. Le Père Noël va passer, François Legault. Mais pendant ce temps-là, ce qui arrive, c'est que notre pouvoir d'achat se dégrade plus que 1 000 piastres. Quand même qu'ils nous donnent 1 000 piastres chacun, Chris. Si pendant l'année, l'inflation est au-dessus de 7% au Québec, puis notre pouvoir d'achat a diminué plus que ça, là. Ben, plus que ça, parce qu'ils jouent avec les chiffres, parce que moi, l'inflation, là, en tout et pour tout, moi, je vois ça autour de 20%. Puis les autres, non. C'est comme le dire, oh, on est sur le bord d'entrer en récession. Oh, OK. Bon, OK. Parce que les autres, ils calculent, bon, faut que ça fasse 3 mois de suite, 3 mois de suite, De puis. bilan négatif, Ben, moi, ça fait trois 3 mois que je trimestres, considère qu'on est en récession. 3 mois. Ben en fait, c'est trois. Là, il faudrait que je vois la règle, là, mais il me semble que c'est trois trimestres, puis un Ah trimestre, c'est oui, 3 mois. parce Fait que les autres, ils définissent ça de même. Mais moi, une récession, je définis ça, mais je définis pas ça de même. Dans le sens que dès que tu es dans un contexte au niveau où tu as des répercussions par rapport au pouvoir d'achat du citoyen moyen, tu as déjà une répercussion dans le négatif, puis que le monde, ils sont en. Bon, ben que ça diminue. Puis dès que tu es dans le début d'une courbe descendante de même, moi, je considère que tu es déjà en récession. Ça donne rien d'attendre le signal officiel de, je veux dire, parce que advient inévitable, fait que, tu sais, c'est comme tu es déjà dedans, là. Dès ton premier mois, tu es déjà en récession parce que le contexte fait que tu n'auras pas le choix d'avoir 3 mois consécutifs, c'est impossible de faire autrement. Donc, moi, je considère là que tu es déjà en récession. Ça donne quoi d'attendre 3 mois? C'est comme si tu attendais pendant 3 mois de voir que tes actifs, tu regardes tes actifs, tes passifs, puis de voir que tu perds de l'argent pendant 3 mois, mais tu sais, t'es déjà pauvrette dès le premier mois parce que tu perds pas mal. Tu vas pas vivre 3 mois à être pauvre avant de dire, bon, ben là, je suis officiellement pauvre. Tu es pauvre dès que tu l'es, dès que tu t'appauvris, dès que tu commences à t'appauvrir. C'est pour ça que il joue avec les. C'est comme aux États-Unis, Biden, il disait quoi que l'inflation était de 6,4%. Bon, ça n'a pas de bon sens. L'autre jour, je suis allé faire l'épicerie, j'ai ramené 2 sacs, puis ça a coûté 250$. Ils me feront pas croire que j'ai rien acheté d'extravagant. Ils me feront pas croire que c'est 17,4%, là. Ça me coûte des fois proche 40% plus cher. Non, exactement. Il manipule les chiffres, il manipule les données, Ben, c'est comme puis. pour le COVID. Oui, c'est ça, c'est une gang de manipulateurs, Ben, puis... comment se fait que le ministre de la Santé, c'est un comptable? Il y a, tu sais, droite là, il y a de quoi qui marche pas. Puis le ministre de l'Éducation, c'est un journaliste. Tu sais, ça peut-tu être plus clair? C'est de la marde, c'est du brainwashing, c'est de la gestion c'est de la comptabilité créative, puis de la formation. Dans le sens que, ben, les écoles sont là pour faire des esclaves, dans le fond. Fait que c'est normal que c'est un journaliste qui, je veux dire, ils font déjà ça, ils maintiennent De par la la télé. propagande, Ben oui, oui. c'est aussi bien de le mettre carrément à la tête de l'école. Ben, Mettre c'est comme en un Allemagne comptable nazie avec Goebbels et le ministère de la propagande, sauf qu'eux autres, ça se faisait de manière explicite, mais nous autres, ça c'est implicitement. Ah, ben moi, je trouve ça pas mal explicite. Oh! Ben oui, ben, je veux dire, c'est parce que pour quelqu'un qui a un petit peu de sens critique puis qui voit clair un peu, c'est explicite. Parce qu'il y a tout le temps un double langage. Pour ceux qui sont dans la gamme et qui n'ont rien de caché, là, ils le voient. Parce que le mensonge, il n'est pas tant dans le propos que dans la façon de le présenter. Il est là, le mensonge, la façon d'induire l'opinion. Mais il reste qu'ils sont assez transparents, moi, je trouve. Parce que c'est comme quelqu'un qui rit du monde en plein dans leur face, puis ils s'en rendent pas compte. Comme ça, tu peux t'adresser à tout le monde. Tu t'adresses à tes chums qui sont dans le secret des dieux, qui savent comment ça marche, puis ils comprennent, c'est clair, qu'est-ce que tu leur dis, puis tout. Puis en même temps, tu as un autre aspect qui va être compris différemment par la majorité, là. Fait que dans le fond, c'est tout le temps, il y a tout le temps un sens double dans tout ce qu'ils font. Puis dans le fond, c'est parce que c'est dans le domaine du. On est dans le monde interlope, là. La politique, c'est de l'interlope. Puis c'est tout le temps de détourner l'attention ou bien de déplacer les problèmes. Comme là, Christian Dubé, il manque d'infirmières en santé. Fait que là, il a dit au monde, ben là, faites le 8-1-1. Ben oui, mais là, ils ont pas assez d'infirmières pour répondre au téléphone avec le volume d'appels qu'ils ont. C'est sûr, si tu manques d'infirmières à l'urgence, t'en as pas plus pour répondre au C'est téléphone. ça, il déplace le problème, Ben oui, mais il le c'était règle évident que pas. ça allait faire ça. Ben, c'est eux autres, c'est juste de gagner du temps. Ben, c'est ça, c'est comme de dévoiler le concept d'inflation, de récession, pardon. Ils gagnent du temps avant qu'ils le dévoilent, puis là, ils ont gagné du temps avant de dévoiler. Ah, ben finalement, le vaccin, ça a un impact sur les menstruations, mais là, ça fait comme 2 ans Ah, qu'il finalement, ça n'empêche pas la transmission. gagne des petits Puis là, morons. après, oh, on a toujours dit que c'était pour diminuer les formes graves. On n'a jamais dit que ça empêchait l'infection. Ça, c'est vraiment mentir en pleine face du monde. Exactement. Mais. Au début, il disait que c'était pour te protéger, puis protéger les autres, puis faisait sentir les coupables, les gens qui ne se faisaient pas vacciner. Puis là, tout d'un coup, oh, on n'a jamais dit ça. Ben oui, c'est ça, là. Mais c'est comme Arruda, le petit trou de cul de câlisse. En quelques jours d'intervalle, il dit le masque, non, non, portez pas le masque, vous allez vous contaminer en mettant une main en face. Puis après ça, le masque est obligatoire. Ben oui, mais c'est parce que dans le fond, c'est pas la santé publique qui minait. Fait que même les protocoles qu'il y avait en cas de pandémie, ils s'en sont pas servis. Ils n'ont pas agi selon leur propre protocole. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie privée de consultants qui décidait. Mais Ouais. ça, on le savait dès le début. Mackenzie, ça, j'ai été surpris que ça ait émergé dans les médias officiels, là. Ben, ça a sorti ailleurs. De toute façon, au Québec, tu peux te permettre de le sortir. Comme en France, McKinsey, parce que c'est pas, dans le fond, c'est pas comme le clin écossais McKinsey, lui, il l'écrit McKinsey. Ben, cette compagnie-là, les Français, ça a fait un scandale, puis ils ont été obligés de quitter. Puis le gouvernement, il a cessé ses contrats avec cette firme-là, mais il y a d'autres firmes, là, pareil, là. De toute façon, avec Jacques Attali, puis ça clique en arrière, ça vaut bien tout ça, là. Je veux dire, c'est tout ensemble, c'est comme s'il était encore là, dans le fond, McKinsey. Mais au Québec, tu peux te permettre de sortir un scandale McKinsey, puis de rester quand même le gouvernement en contrat avec. Parce que les Québécois sont moins dégourdis que les Français, puis ils s'en rendent pas compte qu'il y a un scandale. Ils savent qu'il y a un scandale, mais ils comprennent pas trop. C'est comme, si tu demandes au monde, c'était quoi donc la commission Bastarache, le monde, ils le savent pas. Ils s'en souviennent pas. Les Québécois sont vraiment. Ben, on était. Ils ont tout fait hein, pour qu'on soit moins instruits, puis qu'on. Bon. On est programmé pour rester ignorant, puis comme on en avait déjà parlé dans une autre capsule, à mépriser l'intelligence Oui, aussi. ben oui. Ça me fait penser dans le temps, à la Renaissance, quand tu avais un animal. Tu sais, aujourd'hui, quand des fois, tu as un animal, il va faire quelque chose de surprenamment créatif et intelligent, puis on va être surpris, puis on va trouver ça cute, puis on le filme avec notre téléphone, puis on met ça sur Internet. Mais dans le temps, quand un animal se montrait brillant, puis qu'il faisait quelque chose d'inventif, puis tout, souvent, dans les pays catholiques, ben, il était brûlé. Cette espèce de haine de Ah, monter une il doit chaise. être possédé par le diable. C'est ça. Ben, c'est un peu. T'as même des femmes qui ont été traitées de sorcières simplement parce qu'elles étaient brillantes. Cette espèce de haine-là de l'intelligence, ben, on sait c'est quoi ces forces-là. Dans le sens, qu'est-ce qui peut haïr l'intelligence? T'sais, dans le fond, là, fait que bon, c'est des forces retardataires. C'est fort, là. C'est des Exact. forces de mort. Ouais. Mais le monde meurt, c'est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ça veut dire qu'il subit ceux qui ont de la connaissance puis qu'ils l'exploitent. Puis ils s'en rendent pas compte. Mais c'est ça, le Québec, moi je veux dire, c'est vraiment une population qui fait pitié. Je parle au niveau, on a été tellement mal éduqués, exprès. On a été tellement. Regarde quand il y a eu la pénurie pour les médicaments. Pour les enfants, tout de suite, c'est à cause. Ah, oh, c'est à cause des Canadiens français, à cause qu'il fallait imprimer. Voyons donc. Imprimer quoi? Ben, il disait que ça, c'est sorti dans le Canada anglais. Ça serait de la faute des Québécois puis des Canadiens français s'il y a une pénurie de médicaments, parce qu'à cause des maudites lois bilinguistes, là, il y avait une pénurie parce qu'il fallait réimprimer les instructions en français pour que ce soit bilingue. OK. Mais ça, c'est encore. Ça, c'en est, là, une façon encore de. Tu crées un problème, tu prends ta population, tu y crées un problème dans le sens que tu vas carrément lui créer un problème exprès pour l'affaiblir, puis en plus, tu vas la blâmer. C'est de sa faute. Culpabilisation. Toujours. Mais sur un sujet que je voulais t'amener à parler en lien avec la surpopulation, c'était l'hypothèse que l'exposition aux produits chimiques grandissantes, tu sais, les plastiques entre autres, là, je ne sais pas si toi tu y vas dans ce sens-là ou pas, aurait été utilisé sciemment, généraliser Ben l'utilisation oui. des plastiques pour diminuer la fertilité des gens et les rendre Ben oui. progressivement stériles. Ben c'est l'évidence même. On met certains types de métaux dans des produits cosmétiques, puis ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'affaire là. Quand tu remontes la filière industrielle, puis tu essayes de trouver pourquoi ils mettent ça, il n'y a pas de raison. Ils vont dire, ben c'est un stabilisant pour stabiliser une émulsion, tu sais, comme pour la crème à barbe, des choses comme ça. Mais il y a d'autres stabilisateurs d'émulsion qui existent, qui sont pas toxiques. Donc, oui, comme le taux de fertilité arrête pas de baisser. C'est sûr, on est empoisonné d'une certaine façon. Moi, tout le mode Le mode de vie moderne, il est fait pour faire baisser la démographie. Moi, je considère ça. À mes yeux, c'est voulu. Même, je suis pas mal sûr que on. En tout cas, c'est pas un hasard si le taux de fertilité baisse comme ça en Occident. Puis dans des pays en voie de développement, il est plus stable. Donc, tu sais, toutes les couples qu'on a eues infertiles, là, qui sont obligés d'aller voir pour la fécondité in vitro, puis ça n'existait pas avant. Non, C'était rare, là. exactement. Mais justement, en lien avec ça, je me demandais si sciemment la population était orientée pour utiliser des produits de plastique qu'on Ah oui. retrouve partout pour progressivement devenir de plus en plus stérilisés au fil des décennies. Parce que ça, les plastiques, ils se diluent dans l'océan. On en retrouve partout dans l'Arctique, l'Antarctique. Et ces perturbateurs endocriniens vont entraver le développement de l'individu, augmenter le risque de cancer, là, selon certains spécialistes. Ben, c'est parce qu'il faut comprendre que le pharmacochimique, puis bon, le pharmacochimique, puis le militaro-industriel, puis c'est toutes des industries liées. Là, l'affaire, c'est que, admettons que toi, tu es une grosse compagnie, je ne sais pas, moi, tu as des brevets, des hormones, des affaires de même, puis que tu veux te créer une clientèle, ben là, c'est parce qu'un jour, si ça continue, dans les pays riches, on va être tellement infertile que tu vas pouvoir avoir des enfants, mais ça va te coûter cher. Il va falloir que tu payes pour les traitements, parce que ça va devenir un traitement médical, avoir des enfants. Il y a une médicalisation de la grossesse, Qui va être puis c'est. réservé à une élite. Moi, j'envisage un pays comme par exemple la Chine avec le crédit social, mettre en place des lois qui vont faire en sorte que si la personne est jugée comme étant un bon citoyen avec son crédit social, un niveau élevé, ah, toi, on te donne l'autorisation de reproduction puis on te paye les traitements de fertilité. Tandis que les autres, ben, vous êtes infertile, ah, just too bad pour vous, tant pis pour vous, vous n'aurez pas d'enfant. C'est comme ça qu'on crée des torts. Parce que c'est une sélection artificielle qui est de mauvaise qualité. Dans le sens que on va sélectionner les pires, puis c'est eux autres qui vont se reproduire. C'est ceux qui vont avoir les pires instincts de prédation pour être capables de se placer hiérarchiquement en société, qui vont être les seuls à pouvoir se reproduire. Ça veut dire que là, on est en train de créer une sélection artificielle qui va faire qu'on sélectionne les pires. Et qu'on va se retrouver avec une société de tarés, Ben oui. comme elle dit le Doc Mayhew des fois. Ben, c'est déjà un peu ça, mais là, ça va être pire Ça encore. va amplifier le phénomène. Ben, quand il vient au monde un génie, là, c'est pas nécessairement dans des familles de génies. C'est des phénomènes, c'est un peu comme des mutations spontanées. Donc, souvent, ça va être dans des milieux pauvres. Puis c'est très mystérieux. Ils ont bien de la misère à comprendre comment ça se fait. Parce que tu vas avoir un enfant surdoué qui va venir au monde, le jeune à 7 ans, il parle 8 langues. Mais il va venir au monde d'une famille bien ordinaire, bien. Donc, c'est ça la vraie sélection, dans le sens que la personne dans un milieu pauvre qui va avoir beaucoup de douance, puis certains talents, puis tout, il va avoir la possibilité de se placer en société. Il faut pas que ça soit des gens qui se donnent la peine de venir au monde déjà en société, puis c'est eux autres qui se reproduisent, parce que c'est ça, on va se ramasser avec des sociétés décadentes, complètement tarées génétiquement, comme on a vu, il y a des civilisations qui se sont effondrées comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'est du monde coupé de la réalité qui sont en haut, c'est un peu ça qu'on vit, là. Mais ça, c'est quand des civilisations arrivent vers une fin, là. Mais là, ça veut dire que, bon, mais si on regarde la chute de Rome, bien, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'est Byzance. C'est comme ça s'est transféré en Orient. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la civilisation. Mais il reste que on va créer comme ça, par inconscience, des catastrophes qui vont engendrer Ces gens-là sont complètement déconnectés de la réalité. C'est comme Xi Jinping, il est loin d'être tout puissant, puis il se rend pas compte. S'il faudrait qu'il regarde l'histoire un peu. Non, non, ben, il est imbu de lui-même. Et moi, ce qui me fait rire par rapport à ce qui se passe vraiment, ce qu'on se parle en Chine, c'est que les gens, de ce que je comprends, en Chine, sont tannés des mesures sanitaires draconiennes, là, avec la politique COVID-0 Ils ou ont un. laissé du monde brûler dans un bâtiment parce qu'il n'avait pas le droit de sortir. Ah, ouais. Ouais. C'est des affaires qui ont choqué. Ils nous en parlent pas aux nouvelles, puis tout. Parce que c'était des cas COVID? Ben oui, il y a le cas en confinement, puis là, ce bloc-là, cet immeuble à logement-là, les gens n'avaient pas le droit de sortir pour aucun prétexte, mais maintenant, le feu pogne dans le bloc. Puis là, on sauve pas le monde, on les laisse brûler dans leur appartement, sont confinés. C'est des affaires qui ont mis le feu aux poudres. Parce que les Chinois, ils ont une histoire que, bon, si tu regardes la révolte des Taiping, puis après la révolte des Boxeurs plus tard, puis quand il y a une révolte en Chine, c'est toute une révolte. La révolte des Taiping, ça a fait quasiment autant de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait que ça, c'est rien qu'un fou qui a lu la Bible, puis qui l'a mal interprétée, puis il s'est mis à penser qu'il était le petit frère de Jésus. Il a fondé une secte. Il a commencé à dire que toutes les traditions chinoises, ça venait des démons. Puis finalement, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi, puis ça a failli prendre le pouvoir. Donc, la Chine, ça peut revirer n'importe quand. Puis eux autres, quand ils partent en peur avec une folie, ils partent pas à peu près, là. Non, Fait que... exactement. Puis même si le gouvernement actuel a des technologies orwelliennes, surveillance généralisée des gens avec reconnaissance faciale, caméras un peu partout, traçage numérique, utilisation de crédit social, en dépit de tous ces moyens-là de contrôle, il n'y a pas un contrôle absolu. Puis c'est sûr que comme on l'avait déjà parlé, eux autres sont au niveau de la forme, cherchent à contrôler, mais il y a une dimension qui les échappe. Au niveau du réel, puis tôt ou tard, ils vont peut-être vivre un choc de réalité, là. Même, je peux te prédire, admettons qu'il y a une vraie révolte des populations en Chine, qui viendrait même à bout, certains groupes de rebelles viendraient à bout de prendre le contrôle des moyens de communication. Puis bon, ben, la gang de Xi Jinping, ils vont se revirer contre lui, l'accuser de tout ça, puis faire un procès, puis ils vont l'exécuter. Par peur d'eux autres se faire tuer par la population. C'est ça qui est arrivé en Roumanie. Et Xi Jinping, il a pas l'air de se rendre compte qu'il est bien plus en danger qu'il pense. Parce que si ça revient d'abord, ça va aller vite. 4 milliards de personnes qui se C'est ça, révoltent. mais là, ce qui est intéressant au moment où on se parle, c'est qu'il est confronté à un dilemme, dans le sens que s'il arrête la politique zéro COVID pour diminuer la tension, il va perdre la face, puis il a l'air fou aux yeux du peuple, qui pendant 3 ans ont duré ses politiques. Ben oui, ben peu importe ce qu'il fait, il est perdant. Oui. Fait que c'est un bonhomme qui est là pour une raison de transition, mais je pense qu'il le sait pas. Là, comme il avait fait expulser, je ne sais plus c'est lequel, là, c'est pas Deng Xiaoping, ça fait longtemps qu'il est mort, lui, c'est l'autre, là, Jiang Zemin, ou je sais plus trop. Il l'avait fait expulser, comme un exemple devant tout le monde. Mais le bonhomme, là, il vient de mourir. Il me semble qu'il vient de mourir, 96 ans. Mais la population, je suis sûr qu'ils n'ont pas aimé ça. Les Chinois, ils ont une âme animique. Dans le sens qu'ils ont une âme, c'était bien important, les ancêtres. Puis bon, Xi Jinping, sans s'en rendre compte, il est déconnecté de la réalité. Puis il est en train de monter la population contre lui. Mais il reste que. Est-ce que c'est vrai, ce pouls-là qu'on nous envoie? Est-ce que c'est vraiment, parce que c'est comme les vidéos qu'on voyait du monde tomber dans la rue, là. Est-ce que ça se pourrait que les révoltes en Chine, bon, c'est difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est des mises en scène, ce qui ne l'est pas. Il y a des affaires, j'ai vu, je suis sûr, ce n'est pas des mises en scène, là. Mais il reste que, finalement, la Chine, ce ne serait pas un laboratoire, puis dans le fond, Xi Jinping, ce ne serait peut-être pas un pion qui fait partie d'une expérience, puis dans le fond, ben là, c'était voulu, les révoltes, puis là, ils vont tester des bébelles pour voir comment qu'on mate ça, des populations qui se révoltent. Fait que si la Chine en sort de laboratoire, ça veut dire que c'est prévu que ça arrive ici aussi. Oui, il pourrait y avoir des révoltes de la faim face à l'augmentation du coût de la vie, que ce soit en Europe et un peu plus tard au Québec. En lien avec ça, cette hypothèse-là, je la trouve très intéressante parce que la Chine, c'est à l'heure actuelle l'un des pays les plus perfectionnés en termes de contrôle social avec l'utilisation des nouvelles technologies. Et là, sur l'instabilité qui proviendrait du peuple, bien, ça se justifierait aux yeux du régime des mesures plus grandes de répression. Donc, à ce moment-là, plus de technologies de contrôle. qui pourrait être utilisé là. Ah oui. Alors regarde, si tu regardes Israël, Oui. ils servent de la. Il y a des affaires des fois qu'ils font par rapport à la bande de Gaza. Des fois, ils vont faire des opérations militaires. Comme à un moment donné, ils avaient même envoyé du phosphore blanc sur les civils, puis ça avait fait un scandale international. Mais dans le fond, toutes ces vidéos-là où tu vois essayer des armes par rapport à la bande de Gaza, puis que supposément ils répondent à des provocations, puis bon. Ben, toutes ces armes-là, dans le fond, c'est comme un catalogue, là, c'est pour les vendre. Exactement. Et Fait Israël, il y a que. plusieurs années, avait développé le Uzi. Là, ils vont développer d'autres choses. Puis là, on développe des drones. Puis. Ça. Fait que. Donc, la mettons que le régime de Pékin, eux autres, ils savent qu'il s'en vient des révoltes un peu partout dans le monde, puis qu'ils commencent à fabriquer bon, des moyens tactiques de contrôle des émeutes. Ben, le meilleur moyen d'en vendre à tout le monde, c'est de montrer comment ça marche bien Chez eux, exactement, sur pour leur propre ensuite population. utiliser ça partout, comme le crédit social, puis le passeport sanitaire ou le passeport environnemental ou écologique. Fait qu'au fond, c'est ça, là. De la façon que je regarde ça, bon, il y a des révoltes. Le monde se révolte. L'affaire que j'espère, c'est que c'est pas des révoltes programmées. Ben, moi, ça me surprendrait pas qu'il y en aurait en partie de ça. Ben oui. Tu sais, une espèce d'opération sous faux drapeau pour amener des gens qui pourraient avoir un impact, les amener être relégués un petit peu comme nous autres au Québec avec Éric Duhaime dans une voie de garage ou une façon sans issue de régler le problème. Fait que là, tu sais, si tu laisses entrevoir qu'il y a des gens qui se révoltent, puis là, les gens vont à des lieux de rassemblement qui sont annoncés sur le web, sur le dark web ou tu sais, des plateformes alternatives qui sont pas censurées, mais c'est juste pour les filmer puis les ficher pour ensuite les éliminer. C'est ça. C'est un petit peu comme quelqu'un qui attire de la moule, voyons, des insectes avec du miel, puis là, après ça, quand ils sont tous rassemblés, tu les élimines en groupe. Ben, c'est de la psychologie inversée, dans le fond. Puis bon, c'est des techniques assez simples, puis ça marche tout le temps. Fait que bon, c'est-à-dire que les indésirables, tu veux qu'ils partent, mais qu'ils aillent où tu veux qu'ils aillent. Fait que tu les regroupes. Tu leur crées des dissidences, tu leur crées des. C'était un petit peu comme à un moment donné, tout qu'est-ce que les gens qui étaient censurés sur YouTube, ils migraient tous vers d'autres plateformes qui sont peut-être moins vastes à surveiller. Donc, c'était, tu sais, c'était des façons de regrouper. Puis. Mais il reste que ce qui se passe là, avec la Chine, puis pendant qu'il y a du trouble en Chine, puis qu'ils ont des problèmes avec leur population, puis tout, ben peut-être que c'est pas une mauvaise affaire par rapport à dans le Pacifique. Dans le sens, bon, ça nous fait un petit. Je veux dire, les Chinois, ils vont pas envahir Taïwan si le feu est pris. Chez eux. C'est ça. Donc, bon. Mais il reste que je pense pas que c'est des révolutions colorées, là. Dans le sens que, bon, les Américains, ben, les services américains plutôt, qui sont affiliés aux États-Unis, ils vont souvent engendrer du trouble dans certains pays, puis ils vont s'arranger pour créer des groupuscules dissidents qui faire des émeutes, puis qui vont faire des problèmes. Mais je ne pense pas capable de faire ça en Chine. Donc, s'il reste un phénomène de révolution colorée en Chine, ça voudrait dire que ça vient de l'intérieur. Donc, peut-être que ça chicane dans le Parti communiste chinois. Puis, bon, c'est là. Il y a peut-être un putsch qui s'en vient, où ils ont instauré une autre gang qui va un peu comme quand Staline, il avait fait une grosse purge. Puis, bon, les manchevilles, toutes ces affaires-là. Ben, Staline, lui, il est né en Géorgie, puis c'était un bandit, c'était un chef de gang quand il était jeune, puis il était choisi par les services anglais. Bon, tu sais, je veux dire, bon, c'est difficile là, de savoir, parce que c'est souvent juste par après qu'on le sait, mais c'est évident qu'il se passe quelque chose, là, il se prépare quelque chose. Mais bon, c'est parce que la Chine, le monde, je sais pas s'ils se rendent compte à quel point. C'est un coin important, là. C'est un petit peu comme, eux autres sont en train de marcher. Tandis que si tu regardes, comme là, le Canada participe à continuer à faire en sorte de salir l'image d'Haïti, puis de trouver des prétextes pour les aider, mais de la mauvaise façon. Puis... Mais ça, c'est tout lié à des intérêts. En tout cas, ça fait Ben là, tu longtemps peux qu'il y a. dévoiler, là, on est dans une zone de liberté, là. C'est quoi le but de tout ça, là? Pourquoi que, justement, là, au niveau international, Ben, c'est là, pour envoyer des troupes en Haïti. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'humanitaire de grave en Haïti, puis tout, ils s'arrangent pour envoyer des troupes, mais les troupes, ils repartent tout le temps avec. Les Haïtiens ont un sol extrêmement riche, dans des minéraux rares. Puis, bon, ben souvent, il y a des avions cargo, c'est ça qu'ils viennent chercher. Puis, ça a l'air niaiseux, mais c'est pourtant le cas. Puis c'est corrompu dans le sens que si tu ça voudrais va dire mal que en des troupes Haïti. armées, par exemple canadiennes ou d'autres instances internationales, là, style ONU, iraient là pour sécuriser les lieux, non pas pour faire de l'aide humanitaire, mais tout simplement sécuriser pour que les avions avec les ressources puissent partir tranquillement. Ben, ils ramassent pas rien que des ressources, il y a du trafic du humain, puis bon, c'est tout le temps. C'est un petit peu comme. Les cercueils qui revenaient d'Afghanistan remplis d'opium, là. Bon, c'est des affaires de même. C'est des opérations comme ça, c'est du pillage. Ben, je veux dire, c'est carrément ça, c'est des opérations de pillage. Tu sais, c'est comme le président haïtien qui était. Ils ont arraché les yeux, puis ils l'ont castré, puis. C'est des mercenaires qui venaient d'en dehors qui ont fait ça. C'est parce qu'ils sont financés par des gouvernements, entre autres, comme le nôtre. Dans quel but? Ben, parce que la Haïti, c'est mieux de garder ça instable pour toutes sortes de raisons, surtout par rapport à leurs ressources. Le but, c'est qu'après, bon, faut reconstruire, puis blablabla, bla, puis l'aide humanitaire. Fait que là, on envoie des compagnies là-bas. Puis eux autres, ils font des contrats là-bas. Mais dans le fond, c'est tout le temps piller les ressources. C'est ça, là. Puis, bon, Haïti, c'est spécial, mais c'est un terrain qui est rempli de métaux rares qui sont pas durs à raffiner, dans le sens que petites opérations vite Mais faites, je puis. veux dire, s'il y a de l'instabilité politique trop importante, l'exploitation minière va être paralysée ou elle va être ralentie. Ben non, ils ont des mercenaires. Regarde, t'as des compagnies françaises au Moyen-Orient, c'est des mercenaires supposément musulmans fanatiques qui défendaient les minières puis défendaient des usines. C'est des mercenaires, c'est parce que les compagnies les payaient. T'sais, comme t'avais le ministre là, Laurent Fabius, il s'était échappé à un moment donné, il avait dit « Oh, Al-Nostra fait du bon boulot ». Puis, de la même façon qu'il y a des intérêts américains qui ont financé Al-Qaïda, même Hillary Clinton a fini par l'avouer. Mais c'est toutes des affaires de même. Si tu veux les ressources d'un coin ou que tu veux nuire à un certain marché ou que tu veux qu'entretenir de l'instabilité, après tu Exactement. trouves un prétexte pour envoyer du monde, puis là tu as des mercenaires pour protéger tes opérations. Mais c'est exactement comme au Moyen-Âge ou à la Renaissance quand il y avait des raids puis des pillages. Les États se pillaient entre eux, là. Donc, c'est encore comme ça. Mais ça a pas changé, ça ne changera pas non plus. Plus ça va aller, plus que les peuples qui ont des ressources vont être en danger. C'est pour ça que les Québécois, on essaye de nous noyer dans une immigration. On essaye de nous empêcher de faire des enfants, de nous décourager de faire des enfants. C'est certain. C'est nous autres la province la plus riche en ressources. Mais la plus pauvre en termes de revenus, parce qu'on bénéficie de la péréquation du Canada massivement. Et là, on essaie de nous culpabiliser. Ah, ben, si vous avez des enfants, là, vous nuisez à la réduction de l'empreinte carbone des êtres humains, là. C'est ridicule parce que, par exemple, quand le Canada va emprunter au FMI, il met ses statistiques de population d'enfants qui viennent au monde, c'est-à-dire de futurs esclaves sur le dos desquels tu peux emprunter parce qu'ils vont payer la dette avec leurs impôts plus tard. Un pays que la démographie n'en a pas, il ne peut pas emprunter comme un autre, là. Sauf si, avec le développement de la technologie, il met en place des moyens de production avec l'automatisation, robotisation, qui va compenser pour le manque de productivité d'êtres humains en augmentant la productivité des machines. Ouais, mais même là, tu vas tout le temps avoir besoin de des gens. Ben, tu peux avoir besoin, par exemple, de techniciens pour entretenir les machines. Ben oui. Mais, je veux dire, si par exemple, tu as un employé qui avait deux... Tu avais une entreprise que tu avais 200 personnes que tu as remplaces par une vingtaine de techniciens, il y a quand même une diminution significative de la main-d'œuvre. Ouais, mais tu en as besoin quand même. Ne serait-ce que tout ce qui est autour. Si tu envoies 20 techniciens dans le Nord, ben, faut qu'ils mangent, faut que... Tu n'auras pas le choix, tu n'auras pas juste 20 techniciens. Parce qu'il faut leur faire à manger. Tu as un paquet de choses, ça prend sur les lieux du personnel médical, au cas qu'il arrive de quoi. Puis on peut pas se débarrasser du facteur humain de même, là. Mais en tout cas, il y a des entreprises qui l'ont quand même réduit beaucoup. Si on pense entre autres à Tesla avec les entreprises automatisées qui servent à faire les automobiles électriques, où ils font des soudures, ils font différentes choses, ou Amazon qui va avec des robots chercher les éléments envoyés pour les commandes en ligne. Mais Ouais, mais t'as tout le temps du monde pareil. oui, mais je veux dire, il y a quand même une réduction de la main-d'œuvre qui pourrait éventuellement justifier, pour en venir au thème de départ, la réduction de la population. Si ces gens-là croient que de la surpopulation et pour la. C'est parce qu'il y a de quoi là-dedans qui est bizarre. Parce que si tu prends une entreprise comme Amazon, c'est le fait qu'il y a des populations avec un pouvoir d'achat qui commandent, qui fait que la compagnie, elle peut se payer son automatisation. Si on réduit la population, tu réduis ces compagnies-là vont faire moins d'argent. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui. Tu sais, je veux dire, on nous sert des raisons qui. Ça marche pas. Ils ont besoin des populations, pareil. Ne serait-ce que comme bouc émissaire. Donc, il va tout le temps avoir. Ils vont tout le temps quand même garder un certain bassin de population. L'affaire, c'est le type de population qu'ils veulent. Donc, là, c'est rendu, si t'es nationaliste, t'as une maladie mentale. Ça, c'est nouveau. Quand j'étais plus jeune, là, les gens nationalistes étaient en majorité, puis ils n'étaient pas considérés comme des malades. Mais là, cette heure, plus ça va. Avoir un drapeau, si tu tripes sur un drapeau, t'es rendu raciste. Mais tu parles du drapeau du Québec, Peu du importe Canada? lequel. Ah ouais. Peu importe lequel. Ben là, c'est un Tu vois peu. ça en Occident. Ah ouais. Ben, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, tu avais le drapeau des sudistes, des confédérés qui étaient Le associés. drapeau américain Oui. avec les 50 étoiles, Oui. ben, le mouvement woke, tu ne verras jamais traîner ça. Pour eux, c'est un symbole raciste. Si tu es nationaliste, tu es un raciste. Parce que tu crois aux États-nations. Oui, c'est Il n'y a ça, plus ça va. nation, là. On est sur la planète, on est citoyen de l'univers. Non, ça va à l'encontre de la notion d'être citoyen du monde, là, développée par les mondialistes, là. Il chantait quoi, Rivard, Michel Rivard? Oh, les enfants qui veulent vivre sans tenir un drapeau, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Ça fait longtemps qu'on nous rentre ça dans la tête, ces idéologies-là. Que c'est pas correct, un drapeau. Ben, Puis tu sais, là, un moment. quand il y a eu le convoi là, de liberté lors de l'hiver 2022, où les gens se sont réunis à Ottawa, depuis ce temps-là, le fait que quelqu'un qui a un drapeau du Canada ou du Québec sur un auto, là, ah, c'est un complotiste. Puis Ouais. quelqu'un qui a des drapeaux chez lui, ah, t'es associé à ce mouvement-là, t'es C'est un ça. complotiste, t'as le drapeau du Canada et du Québec côte à côte. Le monde ne se rend pas compte qu'ils ont été. C'est des inductions pour qu'ils pensent ça. Ça vient pas d'eux autres. Les gens qui pensent ça, c'est parce qu'ils pensent pas par eux-mêmes. Ils pensent pas, là. Parce que ça a été voulu. Ça fait des décennies que tranquillement, on nous rentre ça dans la tête. Puis, regarde, dans le Canada anglais, dès que tu veux faire une loi pour protéger un peu le français ou faire la promotion du français, eux autres, ils nous traitent parce que nous autres, on est des racistes. C'est eux autres qui sont racistes. Moi, je le vois clairement comme ça. Non, exactement, de la psychologie inversée, encore une Ben fois. oui. Non, non, moi, à la sorte, tu vois, je te contrarie à cause de problèmes d'électricité, mais plus qu'on en parle de qu'est-ce qui se passe politique locale au niveau Canada ou international, pour moi, c'est tout le temps de l'hostie de marde. Ah oui. Tu sais, Ben oui. je t'écœurerais, Chris. Je vais te parler de quelque chose de concret. Il y a une personne que je connais, c'est une femme qui travaille dans le domaine de la santé, c'est pas ma compagne, c'est une autre personne. Elle s'est faite vacciner. Puis quelques mois après, elle a appris qu'un anticorps inconnu qui fait qu'elle a un risque important d'avoir un caillot sanguin. Ce qui fait en sorte que si elle voyage, il faut pas qu'elle reste plus que 4 heures assise. Parce que sans ça, il n'y a pas assez de circulation sanguine. Puis elle pourrait développer un caillot. Puis avoir des conséquences graves. Bon, c'est sûr que la personne, je veux quand même mettre en contexte, elle est obèse. Elle présente un surplus de poids important qui est un facteur de risque. Et l'autre élément, son père a fait un AVC. Fait que là, elle s'est fait injecter parce qu'elle travaillait dans le domaine de la santé. Puis là, curieusement, elle prend ça. C'est sûr qu'on n'a pas de preuve officielle que c'est lié au vaccin, mais c'était pas arrivé avant. Puis là, c'est à vie, là. C'est-à-dire que si elle reste plus que 4 heures assise dans la même position, augmente les risques qu'il y ait un caillot qui se forme. Puis ça, c'est jusqu'à qu'elle meure. Puis là, elle est enceinte d'un enfant. Puis ça se peut que l'enfant ait le même problème. Ben oui. Moi, ça me met en colère d'apprendre des choses de même. Puis là, cette personne-là, je ne dévoilerai pas son nom pour pas y porter préjudice ni rien, mais c'est un cas réel. Puis il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont des cas similaires. Fait que là, à un moment donné, Chris, il y a quelqu'un qui va sans doute allumer, là, qu'il y a quelque chose de pas normal avec cette Ben injection-là. moi, la première année que ça avait commencé, juste la première année de Jolou, Ben j'étais oui. allé dans une pharmacie, puis il y avait une dame, une vieille dame, là, peut-être 75-80, qui est au comptoir des prescriptions. Elle dit, ah, depuis que j'ai eu ça, j'ai été à l'hôpital, j'étais en train de faire des ACV, puis il a fallu qu'il me donne de quoi pour m'éclaircir le sang, puis tout. Puis le jeune pharmacien disait, oui, c'est un des effets secondaires possibles. Mais je le savais tout de suite qu'il parlait de tout ça. C'était clairement ça. Moi, Je veux dire, écoute, c'était. depuis le départ, ce qui me frustre de toute cette histoire-là, puis là, on en parle librement, on fera pas tout le temps ça, là, c'est juste que je me défoule un peu en même temps. C'est que je savais qu'à quelque part, qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Bon, la personne, on peut dire, j'ai pas de preuve hors de tout doute, elle non plus. Fait que là, c'est ambigu, fait qu'elle peut pas faire de recours contre le gouvernement ni rien. Mais il y a d'autres personnes. Tu sais, je vais te donner un exemple. Je connais quelqu'un qui est pharmacien depuis plus de 30 ans, puis il dit, ce qui se passe depuis le début de la crise de la COVID en mars 2020, j'ai jamais vu ça. Tu sais? Le même qui t'expliquait avant tout ça que c'est les compagnies pharmaceutiques sont fines, puis. Ben, c'est-à-dire, lui, en tout cas, il trouve ça bizarre, puis c'est une personne qui est proche de moi depuis que je suis jeune, puis, tu sais, il me dit, je verrais pas pourquoi qu'il me mentirait. Il dit, une gestion de crise comme ça, puis le vaccin, puis tout, ça fait pas sens, puis la personne est spécialisée dans le domaine de la santé. Je veux dire, elle est pharmacienne, elle étudie à l'université, là, Ben oui. c'est pas une Non, il n'y a deux-de-pipe. rien qui fait sens dans tout ça. Puis tous les gens qui ont fermé le gueule, qu'ils le veuillent ou pas, sont complices. C'est pour ça, moi, dès le début, j'ai dit quelque chose. J'ai même rouvert une chaîne, entre autres, à cause de ça. Je dis, je peux pas rien dire. Puis, dans le fond, c'est comme j'en ai un cousin qui est un gestionnaire, lui, dans le domaine de la santé, des services sociaux. Puis assez haut placé, il a même rencontré Arruda maintenant, il a eu une rencontre avec. Puis lui, c'est bien de valeur, mais il était complice de tout ça. Moi, j'ai tellement honte pour lui. Même le monde dans ma famille. Sa mère, quand elle était chez nous, mettons qu'il appelait, puis là, c'était pas supposé, tu sais, c'était le confinement qu'on n'est pas supposé se voisiner. Elle allait se cacher dans le couloir pour y répondre, pour pas qu'il voie qu'elle était pas chez elle. C'est vraiment une honte. C'est une vraie honte. Puis c'était vraiment un imbécile. C'est vraiment un imbécile. Moi, dès le début, j'ai su que c'était une croche. Je veux dire, c'est l'évidence même. Mais oui, Et mais non, il a Chris, embarqué les gens, là-dedans, ils il a allument convaincu sa pas. mère de se faire vacciner 5-6 fois de Ah, suite, là, tout le temps mal dans le ventre. Calice. Si jamais elle décède, moi, je vais à un moment donné moins dire. On dirait, t'as tué plein de monde. T'as tué ta propre mère. En lui conseillant des stupidités, des astis de mesures de débiles. Vous êtes des débiles. Mais c'est ça qui est. C'est un esti de débile. Comme bien du monde qui sortent des universités, ils vont pas se faire. Ils vont pas s'instruire, ils vont se faire former. Ben oui, on va se faire formater puis laver le cerveau pour Ouais. reproduire le système puis l'entretenir. Il rencontre Arruda. Puis il était ben, il devait être bien fier de tout ça. Mais tu sais, ce monde-là, ils sont pas sortis du bois. Moi, je vais tout le temps m'en rappeler de ça. Puis c'est comme, là, il y a des journalistes qui commencent à revirer leur veste puis à critiquer, oh, les mesures, c'était peut-être pas... Hey, Mario Dumont, il disait carrément au monde, parlez plus aux membres de votre famille qui sont pas... Oui, puis il devrait être envoyé à Gagnon dans le Nord, dans une prison éloignée. Ben, c'est un cas de concentration, ce qu'il décrivait. Ben oui, exactement. Moi, je vais tout le temps m'en souvenir. Moi aussi, c'est des estis de morons. Ils sont hypocrites. Puis là, si le vent tourne de bord, ils vont comme la personne qui dit « Ah, oh, j'ai vu la lumière. » Puis gna, gna, gna. Ah oui, c'est ça. Ça marchera pas, hein? Le monde ne sont pas si idiots. Ben, il y en a beaucoup, Chris, qui ont voté pour François Legault. On nous a acheté oui, avec ça, des estis de chèques. C'est une majorité de séniles sur les pilules, là. Mais je parle, t'as du monde, le monde plus dans la fleur de l'âge, là. Ils oublieront pas ça. C'est comme Patrick Lagacé, moi, j'en revenais pas à ce qu'il écrivait. Parce que là, il les édentés, je me disais, c'est lui qui va se ramasser édenté s'il continue. Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un jour que c'est plus que le cycle menstruel déréglé, qu'on dit, ah, oh, c'est un effet mineur, qu'à un moment donné, si on parle de myocarde, de crise cardiaque, puis de mort, là, ces gens-là, Denise Bombardier, moi, je les ai conservés, ces articles-là. J'ai un fichier sur mon ordinateur, il y en a d'autres aussi, tout ce qu'ils ont dit. Ces gens-là, j'aurais peur pour leur peau. Honnêtement, là, c'est tout. Parce que, comme un moment donné, je commentais quelque chose qu'avait écrit Richard Martineau, puis je disais, je sais pas si c'est COVID, lui. Parce que là, à un moment donné, c'est du monde, ben, tu sais, ils font pas nécessairement leur épicerie eux-mêmes, c'est des employés de maison, puis ils prennent pas les transports en commun. Parce que, bon, tu sais, comme Pierre Bruno, il prend pas l'autobus, là, d'après moi. Mais il reste qu'à un moment donné, c'est parce qu'ils se rendent pas compte, parce qu'ils vivent plus, là, dans la population. C'est des courtisans, dans le fond. Ils sont déconnectés de la réalité. C'est ça. Mais de la façon qu'ils agissent, c'est odieux. C'est réellement odieux. Puis, il y a des affaires qui ont été dites, comme Denise Bombardier, elle, à l'âge qu'elle a, bon, elle va crever de toute façon, elle achève. Mais il reste que du monde comme Patrick Lagacé, Martineau, puis check juste Stéphane Bureau. Lui, il avait juste osé faire une entrevue, il a donné la parole, puis il était objectif, puis il a accordé une entrevue objective qui était ni complaisante, ni... Ni contre Didier Raoult. Didier Raoult. Puis il s'est fait taper ses doigts. Mais oui. Puis là, Star, bon, ben, il a retrouvé un job. Puis là, il est pris pour animer une émission qu'il y a quasiment tout le temps Richard Martineau, Sophie Durocher, Buzz, là, voyons comment il s'appelle, là, l'espèce de le mono-sourcil qui fait du rap. Puis, tu sais, bon, ben, moi, je trouve que de revirer sa veste, puis tout, c'est ça la récompense, il aurait été aussi bien de finir sa carrière. Parce que, imagine, là, tu co-animes une émission, puis il y a tout le temps Sophie Durocher, il y a tout le temps Richard Martin, il y a tout le temps du monde. C'est tout du monde. À un moment donné, il a reçu Guillaume Lemaitre-Vierge, puis Guillaume Lemaitre-Vierge, bon, il faisait juste s'expliquer un petit peu, puis tout. Pas longtemps après, là, c'était le tour de la table, le panel, puis tout le monde, il chiait sur Guillaume Lemaitre-Vierge. Puis même, t'avais Normand Bratois qui disait « Ce gars-là va pas bien, il devrait aller consulter. » Puis tu sais, c'est du monde insignifiant, comme Louise Deschâtelet. Non, mais ben, pour les gens qui nous écoutent, c'est parce que Guillaume Lemaitre-Vierge avait osé, lors de l'automne 2021, dire qu'il n'était pas vacciné. Puis il voulait se faire vacciner, mais c'était par rapport à la sorte de vaccin qui était supposé de sortir au Québec. Ouais, juste ça, à cause, c'est ce qu'il a dit. Là. C'est ça, juste à cause de ça, là, il a fait une polémique, il a été perçu comme un anti-vax, puis ça... Il y a une grosse balloune qui a été faite par rapport à lui. Hey, Chris. Mais là, je l'ai vu passer à l'émission de bureau, puis c'était comme un procès. Puis un après l'autre, ils l'ont quasiment traité c'est de pour fou. Ça que j'écoute pas, comme toi. En général, j'écoute pas à TV. Ouais. J'imagine que tu l'écoutais parce qu'il y avait quelqu'un chez toi qui l'écoutait, là. Moi, bon, des fois, je passe, puis c'était allumé, mais j'ai pas le choix, là. Non, c'est ça, toi-même, t'es récupéré malgré toi, t'es exposé à cette merde-là. Ouais, mais ça me permet de voir aller ça. L'état de déchéance de notre civilisation, ça donne le coup de l'imbécilité. Moi, c'est toi, dès que t'es dans le bottin des artistes, je veux rien savoir. Non, c'est parce que c'est une honte. C'est vraiment une honte. Puis en plus, ils ont toutes... C'est tout à faire du capital de sympathie. Le seul peu d'humain qu'ils ont, c'est tout le temps du préfabriqué pour vendre. Puis Il y a Francine Ruelle, c'est bien triste, là, son fils itinérant, puis tout, mais c'est parce que là, elle est en train de on est au courant, toute la population, ceux qui suivent ça, sont tout au courant de sa vie. Elle trouve pas ça humiliant, puis son fils. Je veux dire, c'est spécial, là, ceux qui ont des enfants handicapés, là, c'est rendu, sont dans le séjour avec, puis regardez comme je suis merveilleuse. Ben, il y en a qui ont des tempéraments exhibitionnistes là-dedans. Ouais, mais c'est pas c'est indécent, là. Non, je sais, mais comment dire, c'est comme ce qu'on va appeler le petit Jérémy, là. Ah, ça, Ses parents c'est le l'ont top. exposé dans les médias, puis après ça, il se fait ridiculiser, Chris. Mais Mais oui, mais là, t'exposes un enfant à bas âge qui présente. qui s'en va poursuivre Mike Ward, poursuit ta mère, puis poursuit TVA. Je m'en souviens, ça, Jérémy Gabriel, dès la première année, j'étais scandalisé par ça, tellement que ça faisait rire ma famille. Dès qu'il passait à la TV, tout le monde, là, hey, ton petit préféré, t'es à la TV. Parce qu'à chaque fois, je disais, ça n'a pas de crise de bon sens. La mère de cet enfant-là devrait perdre la garde. Tellement qu'ils n'ont pas de discernement, puis que ça n'a aucun sens. Puis TVA, ils ont embarqué là-dedans avec Paul Larocque, la vie rêvée de Jérémy. C'est à cause de ça qu'ils ont détruit sa vie, là. Non, exactement. Puis là, Ils l'ont récemment, il y a détruit. l'oiseau moqueur qui a fait une vidéo où il dit, je vais écouter un chant de Noël. Puis là, il montre des extraits de Jérémy qui chante faux, là. Oh, c'était épouvantable. Oui. Puis il chante faux, Chris. Après ça, ils vont dire, ah, oh, il chante bien toute l'élite médiatique québécoise. Ben oui, dit dans le sens que, ben, c'est un enfant handicapé, puis bon. Tu sais, je comprends un petit peu, mais c'est parce que faut pas non plus exagérer, là. Tu sais, je veux dire, il y a une différence entre montrer un enfant 5 minutes d'un téléthon, puis te l'exposer pendant des 2 ans, puis te servir de lui. Je veux dire, c'était rendu que c'était. Parce que lui, c'était carrément TVA, là. Je veux dire, c'était une marque déposée Il TVA, le était petit Jérémy. instrumentalisé par TVA, mais. Exploité ben raide. C'est de l'exploitation, de la misère, puis Exactement. il s'en est jamais rendu compte. Je veux dire, c'est le choc psychologique qui serait bien trop fort de se rendre compte que j'ai été trahi par tout le monde qui disait qu'il m'aimait dans le fond. Ma mère la première. Imagine, là, ça doit être rough. Parce que c'est carrément ça. Exactement, puis l'hypocrisie aussi, tu sais, je veux dire, tout le monde dit qu'ils chantent bien, puis ils font chanter devant le pape, mais s'ils chantent pas bien, Chris, à un moment donné, comme l'oiseau faisait jouer les chants de Noël de Jérémie, est-ce que, ben, je ris, mais c'est pas drôle, j'ai du respect, je comprends qu'il y a un handicap, et il doit être respecté dans sa dignité humaine, là, c'est pas ça le principe, Ben mais, c'est justement pour ça, justement, que je suis choqué ben, c'est ça, là, de c'est qu'ils ont tout ça. manqué de respect par rapport à lui en l'exploitant, je pense que Là, c'est vraiment le ben le problème, là. problème, c'est pas Mike Ward. Lui, c'est un symptôme du problème. Le problème, c'est son entourage qui n'a aucun discernement. Puis qui n'ont pas protégé. Ils l'ont pas protégé. T'as Ils un l'ont enfant. exploité. Ils ne Ben oui, protègent tu sais. pas, Chris, ils l'exploitent. Moi, si j'avais un enfant handicapé, ce que je voudrais, c'est qu'il ait la vie, une vie la plus normale possible. Pas une vie extraordinaire de téléroman avec les projecteurs, là. Une vie normale, le plus normale possible. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est pire que si, je veux dire, ils ont rajouté sur son handicap, dans le fond. Puis il est handicapé, pas juste sa vie, là, c'est psychologique, puis c'est émotionnel, puis il s'en rendra jamais compte, d'après moi, pour se protéger de la réalité. Parce que dans le fond, te rendre compte que dans le fond, tes parents t'aiment pas. Tu sais, pas comme tu pensais, puis de réaliser ça, puis que c'est pas ce que tu pensais, puis que dans le fond, ben juste, je veux dire, il va avoir été exploité par tout le monde toute sa vie. Non, Même une non, c'est fois adulte, écœurant. le gars du Rockfest, là. Non, Tu sais, ils se sont servis de lui. Puis, bon, mais là, tu sais, à un moment donné, là, il voulait aller en politique. C'est. Dans le fond, on voit, il y a comme une espèce de cercle vicieux d'enfants abusés qui vont devenir abuseurs, mais tu sais, sans entrer, tu sais, ben, le pas. syndrome de Stockholm. Ouais, mais c'est pas juste ça, il y a de la programmation là-dedans. Dans le sens que, dans le fond, c'est un enfant exploité, donc c'est un enfant abusé. Puis là, il veut devenir une vedette du showbiz, puis là, maintenant, il veut aller en politique. C'est tout inconscient. Mais moi, je vois la même Je vois la même structure d'un enfant abusé qui devient abuseur tranquillement sans s'en rendre compte, puis qui reproduit un comportement sans s'en rendre compte. Dans le fond, fait qu'il est super superficiel, là, ce jeune-là. Moi, je le trouve, j'ai écouté en entrevue de temps en temps, puis il est vraiment superficiel. Moi aussi, c'est Puis, ce que j'ai perçu. Puis, mais c'est sûr. il a été entravé dans son développement par des gens cupides qui l'ont utilisé. Puis moi, j'ai l'impression, un peu comme Madame Thibault, qui était lieutenant-gouverneur, qui était en chaise roulante. Les gens ont eu de la sympathie, pauvre dame est handicapée, mais Chris, elle a chargé des repas au restaurant à deux places différentes aux frais des citoyens. Ben elle a tout le temps été, tu sais, je veux dire, ça a tout le temps été une femme prétentieuse. Elle a été animatrice à la télé communautaire dans son coin, puis tout, puis bon, c'est un Elle était à esprit, l'argent, là, elle disait aux bah gens, oui, c'est une envoyez-nous prince. les timbres de retour si vous voulez qu'on vous écrive ou qu'on vous réponde. Ils sont trop cheap pour payer les timbres. En tout cas, tu vois qu'elle avait cette personnalité-là. Bon, le fait, dans le fond, qu'elle était en chaise roulante, ça change rien. Tu sais, je veux dire, moi, ce que je regarde, c'est la personne, c'est pas son handicap, mais là, c'est rendu comme t'as un gars qui avait postulé pour une chaire de recherche à je sais plus trop quelle université, puis ils l'ont rejeté parce que c'est un homme hétérosexuel blanc. C'est l'Université Laval à Québec. C'est ça. J'ai été au courant Ça aussi du dossier, que c'est une aberration. ben oui, ça en est, ça, du racisme, puis, tu sais, je veux dire, c'est de la Puis là, on discrimination, va pas du dire que c'est de la racisme. discrimination positive en faveur des minorités. J'ai Donc, même envie de dire, c'est comme de. Bon, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est comme. OK, c'est correct, dans le fond, si le premier ministre, qu'il soit honnête ou pas, je m'en fous, en autant que c'est un je sais pas moi, un noir gay, nain, en chaise roulante. Là, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut, ah, il t'sais. fait partie de la diversité, il est correct. C'est comme Madame Thibault. Ben. Ah, elle fait partie de la diversité. Moi, ce que je prédis, c'est qu'un jour, il y aura un président des États-Unis transsexuel. Ah, oh, ben, c'est bien possible. Avec le C'est mouvement très woke qui est en possible. puissance au Canada, aux Ouais. États-Unis, j'imagine que leur summum de leur accomplissement à mettre sur leur CV de réalisation, c'est d'avoir des politiciens transsexuels, un peu comme les politiciens homosexuels, c'est de plus en plus rempli. Puis moi, c'est correct, l'identité sexuelle, ça appartient à chacun. Mais moi, ce que je vois, la cerise sur le gâteau, ça serait de dire, imagine un président des États-Unis démocrate transsexuel. Ben, tu sais, c'est parce que de toute façon, ils vont mettre qui ils veulent. Comme Staline, il disait, l'important, c'est pas qui vote puis combien de monde vote, c'est de la façon que tu les comptes. Fait que ils ont des machines à cette heure pour ça. Ils peuvent mettre qui ils veulent. On a eu ça au Canada, comment il s'appelait, là, celui-là qui animait le match de la vie, là. Voyons, je pense, il est pas mort, lui, je le sais plus. Je me rappelle plus, c'était à Ah, TVA, là. ça, ah ouais, mais ça en était un, ça, un homosexuel qui était dans le Parti québécois. Ah, c'est-tu Puis, Paradis? non, non, non, ben non. Pas Pierre Bon, Paradis, non. Paradis, il est quétaine, mais c'est pas un OK. homosexuel. Il est juste quétaine. OK. Mais l'autre, comment il s'appelait? C'est un petit monsieur court, là, gras, pas de cheveux, qui animait le match de la vie, là. Bon, en tout cas, je me rappelle, j'ai un blanc de mémoire. Mais lui, ça en était un, ça, un politicien homosexuel, puis c'était le Parti québécois qui était dans le temps en train de. Bon. Puis finalement, lui, il a lâché la politique parce qu'il s'est fait pogner, il avait volé un manteau. Un manteau de fourrure. T'as-tu pensé? Non, mais c'était pas sa femme. Non, Non, non, non, il n'y avait OK. pas de femme, Non, t'as lui. raison. Il y a eu un scandale et tout, il y avait des pornos gays dans l'Assemblée nationale. Il y a une histoire de cassette, un affaire de fou. Ça a fini, ça s'est plus reparlé par après, mais moi je m'en souviens de ça. Ça avait fait de scandale. Puis finalement, c'est là que tu vois, il y a eu un suicide politique, s'est fait pogner à voler un manteau. Puis sa carrière a fini de même. Puis t'en as un autre d'une autre province, un autre homosexuel, lui il a fait un suicide politique, il a volé une bague. Fait que c'est bien beau la diversité puis tout, mais le problème c'est parce que sans vouloir, t'sais, c'est pas l'affaire de préjugés ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue statistique, tu as plus de types de névroses dans certaines tranches de la population. Donc, plus on va avoir de diversité, plus on va avoir des cas de toutes les sortes. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. T'sais, on prend quelqu'un de moyen, là, le bonhomme moyen, là, celui qu'on essaye de faire passer pour un imbécile à la télévision à cette heure, là. comme l'autre qui s'est pas fait prendre pour la chaire de recherche là, à l'université. J'en ai jamais vu, moi, qui faisais une connerie, j'ai envolé une bague ou un manteau de fourrure. Tu sais, c'est vraiment du suicide politique, puis c'est inconscient, c'est comme si la personne, elle s'aime pas, elle détruit sa propre carrière. T'as l'autre, là, la bâtonnière qui avait volé une paire de jeans, ça non plus, c'est pas fort. Mais, je veux dire, j'imagine pas François Legault voler une bague ou un manteau. Ça va être soit un homosexuel, soit une femme, soit, tu sais, ça a de la diversité. Mais là, l'affaire, c'est parce qu'aux États-Unis, là, t'as déjà pu. Dans le fond, c'est une façon d'attaquer le moral du monde. Tu sais, je veux dire, d'avoir fait exprès de mettre un vieux sénile, puis on dirait qu'ils font exprès de le mettre en scène pour qu'on voie qu'il est sénile. Il faut que ça paraisse. C'est une façon de rire du monde. C'est une façon de dire on contrôle tout totalement. Puis vous pouvez rien faire. C'est comme dans le temps quand la mafia il faisait tuer quelqu'un. Ben souvent, c'est celui-là qui avait donné l'ordre de le faire tuer, qui menait les funérailles, puis qui donnait de l'argent à la veuve, puis qui allait faire l'éloge funèbre en avant. C'est une façon de dire, c'est moi qui ai le pouvoir, puis c'est moi qui contrôle tout. C'est un peu ça, là. Fait que là, plus ils vont nous mettre des clowns, puis des tout-croches, puis plus c'est une façon d'humilier le monde, puis de nous remettre à notre place, puis d'exercer une autorité, en disant, voyez à quel point on a du pouvoir. Ah oh oui, c'est une forme de comment dire, nous faire voir leur capacité de domination. Puis ils font ce qu'ils veulent avec nous, c'est ça qui m'écœure, là. Dans le sens que François Legault, il a été réélu majoritaire en dépit de toutes les mesures de contrôle. Puis ils font la pluie puis le beau temps au sens littéral, avec le projet AP, les produits Ben, chimiques, les chemtrails, puis... regarde le maire de Québec. C'était une femme hein, qui avait gagné. En tout cas, elle avait été déclarée maire. Là, tout d'un coup, pouf, non, c'est plus elle, puis tout, puis elle, elle n'ose même pas demander un recomptage, puis elle est partie chez eux. Elle faisait peut-être partie de l'opposition contrôlée. Ben, elle avait l'air d'y croire. Puis là, finalement, on a un esti de sauté en chou-claque, là, comme André Arthur dit à une mère en chou-claque. Puis une majorité de monde à Québec, ils n'en veulent pas de leur tramway. Bon, ouais, le maire Marchand qui essaie de Ah oui. faire passer le tramway. Moi non plus. Moi, j'origine de la ville de Québec, puis j'en veux pas de ce petit Ben tramway. non. Ça va. Tu sais, c'est tellement beau en plus, Québec. Non, Ça va tu détruire sais, le cachet historique. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime pas dans cette histoire-là, c'est que si tu t'opposes à ça, ah ben, t'es contre le respect de l'environnement. Puis, c'est comme la seule solution, ça passe par le ben oui. tramway. Ben oui, ben c'est ça qui avait sorti justement à Marchand. Il dit, les gens qui sont contre ça, c'est parce qu'ils veulent continuer à polluer, puis c'est des égoïstes. Mais il s'est fait répondre. Hein. Sa popularité, elle tombe quand il fait des gaffes de même. Déjà qu'il n'est pas très populaire, dans le fond. Puis il est en train de passer pour un. Tu sais, je veux dire, je suis content, dans le fond, de ne pas avoir des vies de même. Je veux dire, je voudrais pas être à la place de ce monde-là. C'est n'importe quoi. C'est comme Valérie Plante. C'est gênant. C'est vraiment gênant. Mais bon, le monde, c'est comme l'affaire, comme quand lui, il était élu, puis tout, ils n'ont pas demandé de recomptage, ils n'ont rien fait. Bon, ben, qu'il l'endure. Mais c'est louche, c'est bizarre. Mais en même temps, s'ils demandent des recomptages, comme on a vu aux États-Unis dans le dossier de Trump, t'sais, c'est pas nécessairement fait, ou si c'est fait, il n'y a pas de retour. T'sais, oui, j'en ai discuté souvent avec Mona par rapport à ça. Puis, Chris, les mois passent quand même qu'il y aurait eu dans certains États des démonstrations qu'il y aurait eu fraude électorale. Il en demeure pas moins que le bidon, Chris, il maintient le cap, il est toujours au pouvoir. Ben c'est ça. Dans le fond, c'est le résultat, là. Tu sais, c'est comme quand tu as une victoire morale, puis que tu le sais que tu as raison, mais que dans les faits, ça te donne rien. Ça te vaut quoi, là? Fait que Joe Biden, dans le fond, c'est comme il y en a qui sont tellement en colère contre les démocrates, puis tout, qu'ils voudraient que Joe Biden, il se fasse tirer. Le pire, c'est que le monde qui l'ont aidé à se rendre là, puis qui l'ont. Probablement que ça ferait leur affaire. Tu sais, c'est aussi niaiseux que ça, je veux dire. Ils vont mettre Kamala Harris, c'est tout. Puis ils vont être débarrassés d'un poids. Parce que lui, ça commence à sortir des scandales par rapport à lui, sa famille, puis bon. Donc, ça ferait leur affaire. Donc, bon, c'est pas souhaitable non plus. C'est un peu comme des fois je me dis, je suis sûr que Poutine, s'il avait voulu que Zelensky meure, ça serait fait. Mais il en aurait fait Mais un martyr c'est ça. qui Ben, aurait légitimé une forme de culte envers sa personne, puis ainsi de moi, suite. si mon ennemi c'était l'Ukraine, je voudrais à tout prix que ça reste ce gars-là, le chef. Enfin, j'aime bien mieux avoir ce gars-là comme adversaire qu'un autre. Ben, c'est mieux un imbécile que quelqu'un qui est vraiment intelligent puis conscient. Oui, puis lui, il carbure à côte, puis il est paranoïaque, puis c'est parfait, ça. C'est parfait. Il fait rien que des gaffes. Il a des talents particuliers quand même, parce qu'il est capable de jouer du piano avec son pénis. La vidéo qui circule sur YouTube Ouais. dans le gag humoristique, les culottes baissées, puis on Ben, il y a la... quelqu'un qui m'avait envoyé une vidéo, c'est une femme qui jouait de la flûte avec son vagin, puis j'avais répondu, je disais, elle devrait faire un duo avec Zelensky. Ça serait tout le temps, ça ferait pas pire Ça serait au spectacle. bout. Ouais, ça serait les, tu sais, les, ben, le pire, c'est que dans le fond, bon, ben, c'est pour des, c'est ça, c'est du monde de même. Puis c'est voulu. Je veux dire, regarde, bon, notre premier ministre, le premier ministre du Canada, il y a la photo de la nonne de sa mère sur Internet. Parce qu'elle, dans les années 70, elle trippait avec Mick Jagger, puis elle se tenait dans un club. Puis il y a une photo d'elle qui circule, puis elle a la nonne à l'air. C'est pas normal d'avoir un premier ministre que tu peux aller voir sa mère de même sur Internet. Mais encore C'est là, un... c'est-tu vraiment une photo ou c'est un Non, non. photomontage fait Non, non, sur non, photo avec non. Non, c'est Photoshop? une vraie photo. C'est une vraie OK. photo. Ça avait sorti dans le temps. Ça avait fait scandale. Marguerite Trudeau. Ouais. Ben, c'était un peu comme la mère de Barack Obama. Elle, c'était une... Ben, premièrement, ce gars-là, c'est pas un noir, là. C'est un mulâtre. Sa mère est plus blanche que moi, là. Puis elle, c'était une fétichiste. Elle faisait du BDSM. C'était Ah une ouais. vedette comme Betty Page. Fait que t'as des photos sur Internet de la mère de Barack Obama avec des fouettes, là, à moitié tout nu. Fait que c'est pas normal qu'on ait des gouvernants que tu peux voir leur mère tout nu sur Internet. Et en direct, là, on voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait qu'on est retourné comme dans le temps de la Rome antique, là. Je veux dire... La mère de Barack Obama, c'est un peu comme Agrippine, là. Dans le sens, c'est des personnages de même, c'est du monde totalement. Tu sais, c'est même plus, on peut même plus parler au niveau de l'histoire, c'est là qu'on voit que tu as des incarnations de force à travers du monde. Puis ça revient. Puis là, bon, ben, c'est ça, on Ben, est c'est de la dans une période. mémoire qui s'incarne. Ben, Ouais, mais qu'est-ce qui ben. s'incarne derrière ces gens-là, hein? C'est des forces. Moi, je vois ça comme c'est des forces qui s'expriment inconsciemment à travers l'être humain, des forces archétypiques. Comme, par exemple, on voit ça dans certains coins du monde, à toutes les 100 ans, il y a une révolution. Puis ça a l'air cyclique. Peu importe ce qui se passe, il va y Mais avoir c'est comme comme. un mouvement d'énergie qui va se manifester, un cycle comme par exemple le cycle lunaire qui revient là, à intervalles réguliers avec la croissance de la Lune, des croissances, ainsi de suite. Ben, c'est lié à l'inconscient des masses. C'est des formes qui s'expriment, ça fait partie de la masse psychique. Comme le cycle des marées. Ouais. OK. Puis il y a du monde qui sont calés là-dedans au point où ils savent. Puis ils vont se servir de ça. Comme le monde à la bourse là, qui font de la spéculation à marché inversé, tu sais, contre les cycles du marché. Souvent, c'est du monde ben intuitif, mais c'est parce qu'ils voient. Eux autres, ils sont pas influencés par des forces, ils les voient. Fait que finalement, bon, ben, t'as du monde, ils vont acheter juste des titres de compagnies en difficulté, tout le temps. Parce qu'ils savent que, bon, ils savent que ils font tout le temps le contraire de tout le monde. Ils vendent quand les autres achètent, puis ils achètent quand les autres vendent. Puis c'est pour ça aussi que quand il y a des crises économiques, c'est eux autres qui restent argentés. Parce que justement, ils sont pas influents, ils font pas partie de la vague, ils regardent, ils l'étudient. Mais ça, c'est ça, ça veut dire qu'il faut que tu aies une méchante capacité d'individualité là pour observer les influences, de même plutôt que de les subir. Fait que finalement, de même, tu peux voir venir tous les grands mouvements, puis quand on le voit pas consciemment, ça va s'exprimer inconsciemment comme une jungle. Encore là, je veux dire, moi, je suis un peu sceptique parce que Bernard de Montréal, il y a des choses que lui, il était très sensible puis il n'a pas vu, tu sais, par rapport à l'avenir ou des Oh, allô. prophéties qui se sont pas Bernard de actualisées. Montréal, je le vois pas comme. Je le vois pas comme quelqu'un qui aurait pu faire ce genre de spéculation-là. C'est pas trop, il est trop émotif, trop humain, trop. Mais en tout cas, il faisait des placements boursiers, là. Il en Ouais. faisait allusion à ça dans plusieurs de ses enregistrements audio. Mais je suis pas sûr qu'il allait contre les marchés. Ça me surprendrait. Parce que dans le fond, pour que ça soit rentable, faut que tu vendes juste un petit peu avant les autres, puis que tu achètes juste un petit peu avant les autres. Donc, faut tout le temps que tu observes la masse, ça va faire quoi? Mais de là à aller acheter des affaires que personne ne veut, puis tu es tout seul, là. Ben ça, je le vois pas faire ça. Ça me surprendrait. C'est du monde qui ont un talent. Comment je pourrais dire ça? Moi, je le trouve trop empathique, Bernard, pour voir des affaires de même. C'est les personnalités qui ont fait fortune avec la bourse, c'est du monde qui ont des profils de psychopathe, là. Bernard, il n'a pas le profil d'un psychopathe. Tu sais, je veux dire, c'est justement, tu te sors des émotions des autres parce que tu es capable d'être au-dessus quand tu viens à bout de jouer de cette façon-là à la bourse. Mais Bernard, moi, je le trouve très, très humain. Je ne l'ai jamais trouvé. Tu sais, ça n'aurait pas pu faire un comment, tu sais, c'est pas comme les frères Eichmann, puis du monde de même. C'est pas le même genre de vue. C'est pas le. Tu sais, moi, Bernard, je le considère comme très imparfait. Pas à peu près, il y avait des affaires qui sont sorties que je les regardais avec le recul, puis que je peux pas endosser. Enfin, je me rends compte que, bon, Ben moi finalement, non je plus, je suis pas peux nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit là, en passant, là, bien que j'accorde une certaine importance parce que bon, il a pas. Ouais, moi initié le aussi. mouvement de la conscience supramentale Ben, ici au c'est Québec. surtout, il a abordé des sujets que personne d'autre aborde. Fait qu'il nous ouvre des portes sur des affaires. Mais bon. Il reste que Bernard, moi je le considère pas comme. Tu sais, il était clair, il a clairement fait des erreurs souvent. Même, je veux dire, la plupart de ses projets, ça n'a pas marché. Non, que ce soit le projet Costa Rica, le projet d'aide humanitaire, tout ça, ça a foiré. Puis Ben, là, c'est Nord, puis. exactement, Roche Sauvage, tous ces cossins-là, fait que là, ça nous dit, bon, si un initié, ça a foiré, est-ce qu'un individu normal, s'il veut faire des projets humanitaires, ça va marcher? Ça m'amène à avoir des doutes. Fait que finalement, on se ramasse à faire des enregistrements, on se critique tout ce qui va pas dans le monde. Il n'y a pas de solution. Écoutez, il faut que l'humanité s'épure. Ça va prendre des millions de morts, d'une vaccination, puis toutes sortes de cossins, parce que l'élite l'a décidé, puis il faut contenir le scénario. Moi, tu Ouais, mais là, le but, c'est les survivants, pas de sauver tout le monde, dans le sens qu'on sait que c'est comme ça. Fait que le but, c'est pas de régler les problèmes, c'est de passer à travers. Fait que c'est pas pareil, là. Parce que c'est des problèmes qui se règlent pas. C'est des problèmes que tu peux gérer individuellement pour essayer de passer à travers, mais c'est tout. On pourra pas régler ça. Non, mais c'est faut que tu sois détaché du scénario. Tu sais, moi, des fois, à un moment donné, des fois, je vis de la frustration en tabarnak parce qu'il y a à peu près 2 ans, je savais que ça ferait de la merde, la vaccination. Au début, on le voyait sur les réseaux alternatifs, ça faisait de la merde. Là, présentement, sur les médias officiels, tranquillement, les menstruations, Chris, ça fait plusieurs mois qu'on le sait déjà. Puis là, j'ai Il est l'impression trop que tard, là. un peu. Ben, c'est ça. C'est qu'on C'est est. pour ça Là, qu'ils les. sortent. Ben, c'est ça. C'est qu'ils sont rendus à 5e ou 6e dose, là. Et voilà. Ben, même, ils préparaient qu'on y allait sortir la première dose un moment donné. Puis je t'avais dit en entrevue, j'ai dit, tu vois, après ça va prendre une deuxième, une troisième, une Ah ben c'est quatrième. l'abonnement. Apparemment, si tu as Ah ouais. 6 doses, tu as un café gratuit chez Tim Hortons. Non, je fais des blagues, là, mais tu sais, c'est comme une Ben, carte qui c'était quasiment t'accompagne les ça. timbres. Ben oui, Chris. Fait que là, en plus, moi, quand il sort, ah, ben là, c'est gratuit. Ah, OK. À chaque fois qu'ils payent de quoi que l'argent des contribuables, ils nous endettent pour nous donner de quoi qu'on n'a pas besoin. Les autres, il faudrait dire merci. C'est gratuit. Ben, c'est Ben comme les oui. tests PCR, Chris, c'est gratuit, mais c'est l'argent du peuple qui paye ça, puis c'est lui qui Ben, s'endette, c'est puis même c'est pas lui qui. fiable. Ben oui, Chris. Pour Paul Cédille, je pense que Puis c'est même le aux concepteur États-Unis. qui l'avait fait, puis c'est Ben oui. documenté, il a dit Ben c'est oui, il pas disait, fait c'est pour pas fait pour ça. ça. Ben Puis oui, il y a finalement, pas un ben, esti de chat qui écoute. il fait son bout, puis il est mort. Ben oui. Fait que là, il peut plus parler compte, etc. Moi, ça me choque. C'est comme probablement qu'on va se reparler dans 2 ans, puis là, on va être rendu à la, je sais pas moi, la 8e dose. Puis là, Oh, peut-être même. Ça va être une autre affaire, là. Puis, de toute façon, possiblement que c'est parce qu'ils ont de quoi en réserve qu'il n'y ait pas des vaccins. Puis finalement, ils vont se servir de l'échec des vaccins pour promouvoir d'autres choses. D'autres substances. C'est ça. Mais là, c'est sûr qu'il y en a qui disaient que le vaccin avait une incidence sur la dimension magnétique de l'être humain, puis ça émettait un signal MAC qui pouvait être détectable par satellite ou on ferait Ouais, une mais géolocalisation. ça, faudrait que quelqu'un fasse l'expérience, quelqu'un qui est bien vacciné puis tout, puis qui se sacque dans le milieu d'un champ. Puis là, quelqu'un avec un appareil, il regarderait voir si l'appareil le détecte pas. Mais là, c'est parce que c'est difficile de vérifier ça. Mais il faudrait la faire, l'expérience. S'il y avait un signal, il est supposé être détectable. Exact. Fait que ça fait une machine Bluetooth, la personne. Je sais pas trop comment ça marche, mais il est supposé être détectable si tu le mets dans le milieu d'un champ. Mais bon, ouais. De toute façon, d'une certaine façon, on peut considérer que les gens qui ont été assez naïfs pour accepter ça faisait partie de leur programmation. Puis Castor, ben, d'une certaine façon, ils ont vendu leur âme. Fait que là, en tant qu'organisme vivant, ils appartiennent un peu au niveau des lois de notre prince de la Terre, ils appartiennent à des corporations. Puis moi, ce qui me fait de la peine, c'est que c'était des gens de bonne volonté. Je vais prendre le cas de ma compagne. Elle a dit, je vais me faire vacciner parce que quand elle s'était faite vacciner, elle vivait chez ses parents qui étaient âgés, 80 ans et plus. Donc, elle a dit, je vais me faire vacciner pour les protéger au cas où que je l'attrape. Plusieurs mois après, elle a dit, ça n'empêche pas, finalement, ça n'empêche pas la transmission. Mais non. Câlisse. Ils sortent tout le temps de la bonne foi du monde. Ben, c'est Ou ils ça. vont, tu sais, puis ils te la retournent contre toi. Mais c'est comme j'ai un de mes oncles, lui, ils se sont servis de. Dans le fond, lui, à la dernière minute, il a dit, oh, finalement, je suis allé prendre. Tu sais, on ne pouvait pas entrer dans des lieux publics. C'était dans le tas du passeport vaccinal. Finalement, lui, il avait résisté pendant un an et demi, presque 2 ans. Puis là, tout d'un coup, oh, j'ai été me faire vacciner, puis tout, puis je me suis mis à jour, puis là, au moins, j'ai ma liberté. Il vient prendre un café ici, puis il nous sort ça. Au moins, là, j'ai ma liberté. Quelques jours plus tard, il enlève l'obligation. Il arrive juste à attendre, même pas une semaine. C'est des coups de cochon de même qu'ils nous font. C'est vraiment des coups de cochon. Tu sais, ils nous Oui. pognent par surprise, là. Fait que, bon, puis on le voit que c'est des petits clins. Je veux dire, t'as comme Boileau qui est au Burger King, puis c'est des gnochons. Ça se voit. Il y a du monde, ils sont pas. T'sais, comme si on n'avait pas le discernement quand on voit quelqu'un de se rendre compte si c'est quelqu'un de brillant ou pas. Je suis capable de reconnaître un tata. Le docteur Boileau, il a l'air d'un vendeur d'assurance. C'est à ça qui me fait penser que j'ai déjà vu un vendeur d'assurance, il est un petit peu de même. Mais moi, j'ai plus Ben, de fin respect pour le sympathique, vendeur mais. d'assurance que lui. Ben, les deux, ils te vendent de la sécurité d'esprit, puis c'est ton argent dans le fond le but, puis tu sais, je veux ton énergie, ou tu peux voir ça comme tu veux. Les deux, c'est des simples employés qui, dans le fond, c'est comme. Ils font leur job, qu'est-ce que tu veux. Mais ils pensent pas plus loin que. De toute façon, c'est du patronage par-dessus sa tête. C'est la fille de l'attaché presse à Dubé, c'est sa fille à Boileau. Tu sais, je veux. L'attaché presse de Dubé, c'est la fille de Boileau. Elle était attachée presse à Ben Dubé oui, il y a quand lui conflit était nommé. d'intérêts. Il y en a quelques-uns qui en Toujours. ont parlé dans les médias, puis finalement, ça n'a rien fait. Puis inquiète-toi pas qu'ils sont toujours en poste. Puis. Yeah, Diane Lamour, la pharmacienne, elle venait nous vendre. Elle était impliquée dans un scandale qui impliquait les compagnies pharmaceutiques, puis des conflits d'intérêts avec le gouvernement dans le tête couillard. Ça a été dans les journaux. Personne n'en parle. Elle n'a pas d'affaires à la TV, elle n'a pas la crédibilité. Tu sais, Puis ben là, elle a fait la bizarre. promotion du vaccin, gros comme le bras. Ben, elle reçoit des cachets de tous les bords. Elle reçoit un cachet de TVA, puis le cachet de l'autre bord par, bon, on se doute de qui. Donc, c'est pour le cash. C'est pour ça qu'il y a des vieilles pincées de même, tu sais, qui font un petit peu dame chic, là. Faut pas, non. Ben, de valeur, là. Ça me fait penser un petit peu à. Michel Courchesne, tu sais, une dame assez argentée puis toute, mais elle a une vibration d'une sorcière, une vibration de merde. Puis elle essaie pas elle, puis c'est une honte là, elle quand elle était ministre de l'Éducation là dans le temps des Carrés Rouges, c'est une gestion honteuse. Puis là, elle est encore à la TV, Michel Courchesne à venir nous. Mais ce monde-là, c'est rendu bon, tu le sens, tu sais, tu le vois tout de suite. Mais le monde, la moyenne du monde, ils sentent pas ça. Mais super manque d'expérience, je pense pas. Je pense pas. C'est un manque de sensibilité dans le sens que, ben, on est gelé. C'est vraiment le même. Puis, bon, ouais. Ben, comme tu l'avais déjà dit, on va être de plus en plus gelé parce qu'on s'en va vers la légalisation des drogues. Ben Tu l'as oui. annoncé il y a plusieurs années, puis ah là, c'est le marijuana qui est légalisé, puis là, on parle d'autres choses, puis. Ben, il y a une dizaine d'années, moi, quand j'avais dit qu'ils vont légaliser le pot, je me faisais rire de moi. Mais le monde, il croyait pas ça. J'ai dit, oui, ils vont le faire. Là, à cette heure, ces temps-ci, je le dis, des fois, ils vont finir par légaliser la cocaïne, je fais rire de moi. Bon, c'est déjà, hein, écrit. Les projets de loi, c'est déjà tout préparé. C'est juste qu'ils vont le sortir. Fait Puis que après là. ça, comme tu l'annonçais aussi, tu avais fait une vidéo, puis moi aussi, je suis de cet avis-là, l'euthanasie, là. C'est-à-dire que des gens de plus en plus jeunes, puis finalement, la personne est déprimée en Europe, on Ben. va l'euthanasier. Ouais. Ben, c'est rendu que tu vas aller à l'hôpital parce que tu vois, ben, je suis dépressif, puis. T'sais, je suis pas heureux, puis ça fait des années. Puis là, c'est rendu que le psychiatre il va dire, avez-vous songé à l'aide à mourir? Ben, justement, je te cite parce que je veux pas avoir d'idée suicidaire. T'sais, fait que... Non, non, c'est peut-être pas fou, monsieur. Ben oui, ben surtout qu'il manque de ressources. Puis si tu veux avoir un service Ben, psychologique, que ce soit au CLSC ou autre, gratuit, tu vas attendre plusieurs mois. Fait que pour ben oui. désengorger le réseau, on va prescrire l'aide à mourir Ben, si ça au lieu continue, de le donner monde des va aller soins à décents. l'urgence. Ils vont dire, vous êtes ici pourquoi? Ben, je suis dépressif puis tout. Puis là, mais qui rencontre le psychiatre, tu vas penser que c'est pour ton évaluation qu'il te pose cette question-là, mais il va dire, avez-vous des pensées suicidaires? Puis là, tu vas répondre oui. Puis au lieu de dire, OK, ça va être, ben, on offre un service d'aide à mourir. Exactement. Ça Donc, passe pour ça, la question. ben, moi, j'ai l'impression un petit peu dans le même principe par rapport aux personnes âgées. Donc, au lieu d'améliorer le mode de vie puis donner des services décents, ben là, on va dire, ben, écoutez, si vous n'êtes pas satisfait du réseau puis le fait que vous ne pouvez pas être changé de couche quand vous voulez, ben, soit que vous restez dans votre marde ou vous demandez de l'aide à mourir. Oui, parce que dans le fond, on vous comprend, vous n'avez pas une dignité de vie, puis c'est insupportable, fait qu'on... Bon. Ben, c'est ça, c'est comme. On donne pas, au lieu d'améliorer le réseau, puis que le réseau s'humanise, puis avoir accès aux ressources, ben on dit, ben regarde, tu as plusieurs mois d'attente pour la résidence des aînés, où est-ce que tu as un mode de vie décent. Fait que soit que tu prends l'aide à mourir, ou t'endures, puis tu restes dans la merde. Ce qui est spécial là-dedans, c'est que il y a longtemps, quelqu'un qui a tenté à sa vie, il était poursuivi par l'État. Parce que c'était vu comme une atteinte au bien de la couronne, dans le fond. C'est comme si tu avais voulu tuer quelqu'un, même si c'était Puis il toi-même. pouvait Puis être c'était condamné pas. à mort, je pense, une affaire tordue, là, Non, non? non, non, non, par exemple. Non, au 19e siècle, les affaires que tu étais condamné à mort, tu avais le meurtre, puis tu avais le viol. Et on a eu le viol un bout de temps qui t'a dû la peine de mort quand c'était bien grave, là. Ben d'ailleurs, la reine Victoria était toute jeune en Angleterre quand ils ont renouvelé la loi, puis il avait dit le Parlement, il a ramené, tu sais, il garde, il maintient la peine de mort pour les meurtres puis les viols, puis il a fallu lui expliquer c'était quoi un viol parce qu'elle savait pas. Donc, c'est pas d'hier qu'on est gouverné par du monde qui comprennent pas ce qui se passe, sont complètement détachés de la réalité. Tu sais. C'est ça veut dire, quand t'es quelqu'un comme ça au pouvoir, ça veut dire que c'est pas lui qui gouverne. Comme la reine Victoria, elle était sous influence. À un moment donné, ça a changé de clic parce que son allemand, c'est lui qui était l'influence principale, mais il reste que c'est tout le temps comme ça. C'est comme ici au Canada, bon, Justin Trudeau, il a légalisé le pot. C'est pas parce que Justin Trudeau voulait légaliser le pot, c'est parce qu'il y a du monde il voulait ça. Puis lui, ben, c'est lui qui a amené ça. Mais c'est comme son père, la loi là, qu'ils ont votée par rapport aux banques, c'est pas Trudeau qui voulait ça, c'est ses commanditaires ou le monde, ses boss, on peut dire. Donc, pour ça, c'est toujours à faire très attention. C'est comme François Legault. Il y a des actions contradictoires avec ce qu'il dit. Comme là, on nous fait des shows encore, comme au Québec, à chaque fois qu'on veut détourner l'attention, on se sert de la langue. parce que ça touche l'émotivité, puis ça crée des débats, puis ça détourne l'attention, ou on va se servir de le côté identitaire. Mais comme c'était vous aujourd'hui, le PQ, le show qu'ils ont fait, là, ils peuvent pas rentrer en chambre, puis Ben oui, parce qu'il ne ferait pas allégeance au roi Charles c'est III. ridicule. C'est vrai, ça, c'est rire du monde, c'est vraiment un show. Ils savent que tu peux pas rentrer dans la chambre si La c'est la personne n'est pas Constitution assermentée, canadienne. ouais. C'est la Constitution canadienne, t'as pas le choix. Le système, il est fait de même. Puis si tu fais un projet de loi, parce que là, ils sont partis, là, on va faire un projet de loi, gna gna gna. Ben oui, mais il va être tout de suite mis anticonstitutionnel par Ottawa. C'est juste de la perte de temps. C'est juste du théâtre. Exactement. Puis pendant qu'on est diverti par ça, ils sont en train de détruire notre pouvoir d'achat, puis faire des coups bas. Ben, dans le fond, là, c'est ça, là. On est en train de se faire détourner l'attention pendant que, bon, on va tout perdre bien des affaires. Mais c'est comme aujourd'hui, je regardais justement le chef du PQ, là, il venait de se faire revirer de bord par la sergente d'armes, là. Puis là, il disait, ben, on va continuer, puis on c'est pas acceptable, puis, tu sais, avec son ton de voix de petit enfant. Puis Ouais. je regardais quelqu'un qui était à côté de moi, je dis, il est en train de faire une méchante crise, là, lui. Là, je me dis, hey, il est choqué, hein? Il est choqué noir. On voit pas ça souvent. Ben, il me fait penser à un homme efféminé castré. Ben, moi, Paul je trouve qu'il a Bien-Saint-Pierre, carrément l'air voyons donc. d'un enfant. Je trouve vraiment qu'il a l'air d'un enfant. À chaque fois qu'il va à une tribune, s'il m'a parlé, on dirait qu'il va dire, ben là, cet été, j'étais en vacances chez ma mamie. Ensuite, on est allé au verger, puis j'ai cueilli des pommes. Puis cette année, pour Noël, ce que je voudrais, c'est ça, puis ça. Puis j'arrive pas à prendre ce gars-là au sérieux parce que ça se sent que c'est un enfant. Moi aussi. Fait que c'est vraiment un show qu'on nous fait, Oui. mais c'est un peu comme Paradis. Quand Paradis il était en chambre avant qu'il mette chef de la chambre, qu'il mette président de la chambre, qu'il était juste simple député, puis il se mettait à parler en chambre exactement comme quand il était à son émission de TVA le midi. Oui. Puis il disait, Monsieur le Président, ce que veulent vraiment savoir les spectateurs à la maison, c'est. Puis c'était carrément un langage d'animation de télévision. Puis c'est pas sérieux. T'sais, moi, je peux pas prendre ce monde-là au sérieux. Ça paraît que c'est n'importe quoi, mais ça a tout le temps été de même. Mais ils vont suivre coûte que coûte les formes. Puis dans le fond, ce qui est important, c'est pour ceux qui mènent pour vrai, c'est de maintenir le côté structure britannique, parlementarisme, monarchie La parlementaire. monarchie constitutionnelle. C'est ça. Fait que tout Paul Saint-Pierre, Plamondon, qui s'énerve, toute la gang d'excités du PQ, j'ai l'impression qu'ils ne feront rien changer, là. Ils font Ben pas non. annuler la sermentation au roi qui substitue à la reine, là. T'sais, moi, j'ai des mauvaises nouvelles pour les souverainistes. La seule façon qu'on pourrait vraiment faire la souveraineté, il faudrait qu'il y ait une crise vraiment grave au point où les structures comme on les connaît, puis qui gouvernent le territoire, s'effondrent, puis qu'on gagne une guerre civile, puis qu'on garde le terrain conquis par les armes. Il n'y a pas d'autre façon de faire la souveraineté. Et elles ne le seront jamais faire. C'est pour ça que j'ai jamais été souverainiste, puis j'y crois pas. Parce que tu pourras pas. Il met, admettons qu'il rentrerait la souveraineté du Québec. Ben moi, je le sais qu'au niveau de la Constitution du Canada, ça passera pas. Le référendum va être déclaré comme anticonstitutionnel selon le parlementarisme britannique qui fait que le Québec peut pas s'autodéterminer en tant que province. Mais oui. Fait que, tout de suite, c'est du niaisage, c'est de toutes les partis politiques, c'est des arnaques. C'est de l'arnaque, c'est rire du monde. Dans le fond, c'est une gang de. Dans le fond, c'est une job qu'ils ont. C'est comme une pièce de théâtre. Tu Ben sais, c'est oui. comme les mains du prestigiateur. Pendant que tu regardes à une place, là, il est en train de te fourrer, puis il te manipule, puis. Hein. Ben, c'est d'occuper la population. C'est ça. Puis on nous garde stupides. Puis moi, c'est sûr que je trouve ça écœurant. Tu sais, là, il va falloir qu'il y ait des millions de morts là, liés à l'injection là, dans les prochains mois pour que peut-être que quelques personnes, deux, trois, se réveillent. Ben, le pire, c'est que dans le fond, ça va tout être juste assez subtil pour qu'il y en ait qui soient pas sûrs. Parce que c'est un peu comme la roulette russe, pas tout le monde qui a reçu la même affaire, je pense. Aussi. Fait que bon, c'est pour ça, moi, que je voulais pas aller le chercher. J'avais peur de me ramasser avec une dédicace dans le bras. Je l'ai faite juste pour moi. Puis, non, non, non, non. Si jamais ils veulent m'avoir, il va falloir être plus direct que ça, parce que ça ne marchera pas. Parce que jamais je vais y aller volontairement. Parce que c'est un petit peu comme, admettons que je m'achète un billet de loterie, je vais le payer en argent comptant, jamais avec une carte. Parce que j'ai tout le temps l'impression que y a des algorithmes puis des affaires qui font que si le système détecte que c'est moi qui achète le billet de loterie, c'est sûr que je ne gagnerai pas. Fait que je paye. Quand je n'achète un, c'est rare. Quand je n'achète un, je le paye comptant. C'est très possible que ça s'opère parce qu'après tout, ce type de modus operandi est déjà en fonction en Chine dans le sens que quelqu'un qui a un crédit social qui est bas, il ne peut pas réserver un billet d'avion. La commande est déjà filtrée puis est bloquée. Ça se Ouais. rend pas, elle peut pas. Même chose Ben, pour réserver surtout un hôtel. des fois, je me mets à la place des fonctionnaires, puis je me mets dans le tête de dire, si ce citoyen-là, admettons qu'il remporte, je ne sais pas, moi, 125 millions, ça va être un cas, ça va être un problème à gérer. Ça va être épouvantable, ça va être un paquet du trouble, puis du trouble, puis du trouble. Faut pas donner de moyens à du monde comme lui. Fait que je suis pas mal sûr qu'il y a des mécanismes de défense comme ça. Un système, bon, c'est systémique, il faut que ça se défende en tant que structure. Mais là, dans un système que n'importe qui peut, par le hasard, supposément, remporter des sommes qui font que cette valeur, mais l'argent, c'est pas juste de l'argent, c'est du pouvoir, carrément. C'est dangereux. Parce que c'est donner des moyens à des dissidents politiques d'être capables de corrompre eux autres aussi, d'avoir de l'influence eux autres aussi, de créer des structures. Fait que c'est pour ça que je suis sûr que jamais que l'État me ferait que je gagne des millions. T'sais, si jamais Non, je me c'est ramasse avec ça, des parce qu'ils millions, ne il va donneront pas le falloir que je pouvoir fasse de comme eux autres, l'argent en plus que je du les vole pouvoir du moi-même. savoir que tu peux avoir. Ben là, t'sais, c'est comme. C'est pour ça que, bon, t'sais, dans le temps de l'esclavage, ben, ils éliminaient les plus brillants. T'sais, pourtant, ça a l'air contre-productif, mais ça dépend des tâches pour lesquelles tes autres, tes esclaves, pour ramasser du coton, ils s'en foutent, là. T'sais, t'as pas besoin, c'est pas grave d'éliminer les plus intelligents, même au contraire. Fait que, bon. Mais là, de toute façon, le monde n'a pas allumé. Quand j'étais enfant, puis qu'on parlait de la société du futur, qui serait la société des loisirs à cause de l'automatisation, moi, je trouvais ça morbide. Parce que j'avais pour mon dire, admettons que plus tard, c'est des machines qui font le travail, on va pas être dans une société du loisir. Parce que la population qui faisait le travail avant, elle va être inutile, puis ils vont s'en débarrasser. Ça va être la société du loisir pour ceux que c'était déjà la société du loisir. Comme des bourgeois qui Exactement, ils vivaient de vont se papier. maintenir. Fait que là, tout ce qui est automatisé, ça devient des individus qui ils deviennent comme inutiles. Puis surtout si tu vends le concept que de la surpopulation, ça vient comme légitimer une espèce de génocide mondial qui pourrait se faire une dose à la fois. Ouais. Ben, tu sais, c'est un petit peu comme. Il y a quasiment quelque chose de romantique là-dedans. La personne qui meurt pour un idéal. Puis il joue avec ça. Fait que, bon, il y a du monde, ils vont accepter des affaires par idéal, mais ils se rendent pas compte que c'est pas réel. L'idéal, c'est tout le temps virtuel. Ça existe dans la virtualité des sentiments, puis des formes de pensée. Mais dans la réalité, mourir pour des idées, c'est cave en crise. Tu sais, mourir pour un idéal, c'est profondément stupide. Mais l'être humain, il est comme ça, Mais il quelqu'un qui est idolâtre. intelligent comme un jovialiste, il pourrait être prêt à jouir pour ses idées, avoir des orgasmes, mais pas mourir ou souffrir comme Jésus. Ouais, ben là, ça dépend tout le temps s'il dérange ou pas. Bon. Tu sais, parce que bon, mais il reste que. Je le sais pas. C'est déjà du monde qui pense un peu de même, je pense, qui nous mène. Du monde que eux autres, ils jouissent en masse. Mais c'était un peu comme à un moment donné, le Marquis de Sade, il avait donné sa définition morale du bien puis du mal. C'était Il avait quoi? dit, le mal, c'est ce que j'aime pas puis qui me fait du mal, puis le bien, c'est ce que j'aime puis qui me fait du bien. C'est totalement stupide, là. C'est très subjectif. Ben, c'est n'importe quoi, je veux dire. C'est parce que le bien puis le mal, ça devient totalement subjectif parce qu'en changeant de personne, le bien puis le mal change Ben, c'est de ça nous nature. amène au relativisme contemporain, Ben là. là, tu sais, je veux dire, Le sadique va dire, ben, il n'y a pas de mal à martyriser du monde. La preuve, j'ai du fun. C'est ça, lui, il a Ben du oui, mais plaisir, là, fait que ça vient légitimer ce qu'il ben, mets-toi fait. à la place de l'autre qui se fait martyriser, il va dire, ben, il y en a qui aiment ça, ouais, les masochistes. Mais là, c'est parce que c'est n'importe quoi, ça. C'est à ça que ça mène la philosophie. C'est sûr qu'il y a des limites à la philosophie, en effet, là. Parce que moi, le marquis de Sade, je le considère comme un philosophe. C'est clairement un philosophe, t'es complètement fou. Oui, ben C'est André attaqué, Moreau le là. voyait comme étant un philosophe du temps des Lumières. Hey. C'est tout un. Ouais, OK. Moi, tout, je suis prêt à dire ça. C'est un philosophe du temps des Lumières. Il avait fait une plaie à une domestique pour faire un coït dans la plaie. Puis finalement, quand il a vu que ça. Bon, il a cautérisé ça avec un tisonnier. Puis quel grand philosophe lumineux. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé à l'asile. Même après qu'ils ont coupé la langue, il continue à écrire des insanités sur le mur avec sa marde. Ils ont été obligés de le changer de cellule parce qu'il criait n'importe quoi par la fenêtre aux passants. Oui, t'es un philosophe des Lumières, parfaitement d'accord, parce que j'ai juste. Ils sont tous fous. C'est toute de la Ben, quand que je folie. dis la lumière, je disais pas nécessairement la lumière de l'esprit, ça peut Non, être la non, je lumière parle des Lumières. luciférienne aussi. Oh, les Lumières. Ouais. C'est ça, les lumières luciférennes, les lumières de la raison. Leur raison, elles ont. Mais tu sais, moi, je pense qu'ils ont tort. Mais bon, on le voit, je veux dire, on voit où ça mène. Finalement, où c'est en train de nous mener. Comme Rousseau, il disait, ah, les enfants, faut pas trop les. Tu sais, il était pour une pédagogie plus ouverte. Et finalement, il était un précurseur des hippies. Qui disait faut pas faire trop de discipline, puis ben, finalement on voit qu'est-ce que ça donne. Tu sais, ben de valeur, là, mais ça marche pas. De toute façon, les philosophes des Lumières, ils sont pas d'accord entre eux. Voltaire puis Rousseau, bon. Et en plus, sont face à face aux Invalides, pour toujours. Mais, tu sais, on oublie que c'est des sautés. Voltaire, il avait écrit au canton de Genève, puis il voulait qu'il fasse exécuter Rousseau. Pour des niaiseries, là, c'est des querelles. Des querelles philosophiques, c'est n'importe quoi. Fait que, bon, moi, du monde demain, je veux pas admirer ça. Mais Non, je moi m'en. non plus, je les admire pas. En fait, c'est parce que je fais. On parlait tantôt la question, les gens qui sont prêts à souffrir ou à mourir pour les idées. Mais c'est pas Ben, tu sais. intelligent, tu sais, quelqu'un qui Les se. philosophes des Lumières, ça va être plus, vont préférer souffrir, mourir les autres pour la raison. Mais, ben, en tout cas, tu sais, à un moment donné, là, ça devient des éthiques, c'est élastique, là, ça change, là, puis finalement, bon. Ben, quand on regarde ce qui s'est passé avec le christianisme, au début, les premiers chrétiens, ils se faisaient jeter dans l'arène à Rome pour être dévorés par des lions. Quand que c'était pas reconnu le christianisme, puis le régime s'en prenait à eux. Par la suite, ce qui est arrivé, c'est que les chrétiens ont été reconnus. C'est devenu même la religion officielle de Rome plusieurs années après. Et il y a eu une inversion des rôles, c'est-à-dire que les chrétiens ont venu à un stade, lors notamment de l'Inquisition, à faire vivre des tortures aux gens qui n'étaient pas chrétiens. Fait qu'eux autres qui étaient torturés à la base sont devenus les gens qui torturent. Bon, en fait, il n'y a rien qui a changé. Mais c'est la C'est-à-dire forme. que. C'est-à-dire que Bon, les chrétiens qui c'est étaient parce persécutés que. deviennent des persécuteurs par la suite. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Les Vas-y. chrétiens, les vrais chrétiens, ils sont restés persécutés, puis ils n'ont jamais persécuté personne. L'affaire, c'est que tu as un État politique qui est Rome. Oui. OK, au début, ils persécutent les chrétiens. Mais là, les chrétiens, ça devient de plus en plus populaire, puis il y en a de plus en plus. Fait que là, ils ont peur de. Fait De que perdre qu'est-ce le qu'ils font? pouvoir. Ils récupèrent. Ils récupèrent, puis ils disent, à ce temps, les chrétiens, c'est nous autres. Puis là, on persécute les hérétiques. Mais c'est les mêmes forces, là. Parce que si tu regardes au niveau du christianisme, on va toujours dire le diable, c'est le singe. C'est certain qu'un jour, les Romains allaient se dire chrétiens. Puis continuer à agir exactement comme ils agissaient. C'est juste les mots qui ont changé, mais c'est Ouais, les ce qui mêmes veut dire que forces. peut-être tantôt nos politiciens vont se dire dans le supramental, puis ils vont continuer à Ah agir de la oui. même façon. Ben moi, j'en vois des lanceurs d'alerte qui commencent à pomper dans le supramental.

Vos holocaustes me puent au nez, je ne sais plus trop comment que c'est reviré, mais c'est spécial. Tellement que tu te dis, OK, là, c'est quoi, là? C'est quoi tout ça? Fait que finalement, dans le fond, tu sais, c'est plus important. Moi, j'accorde plus d'importance à ça, dans le sens que c'est tout subjectif. Puis comme on n'est pas parfait, ben moi, je peux pas me prononcer trop là-dessus. Fait que finalement, bon, ben, je considère tout, c'est tout de la folie. Oui, puis la prochaine folie, ça va être sans doute la supraconscience ou supramentale, qui va devenir, une religion en vogue là, au Québec puis en Europe. Ouais, puis ça, c'est. Ben moi, j'espère que ça n'en viendra pas à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est inévitable, c'est-à-dire, Ça va être encore des forces qu'ils ont récupérées. mais c'est ça qui est tannant. Au fil de l'histoire, il y a tout le temps des initiés puis là des gens qui vont récupérer ça. Puis finalement, ils font le contraire, comme l'exemple que je donnais là, par rapport aux forces de Rome qui vont persécuter les gens, alors que l'enseignement de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. Ah oui. Ma mère, quand elle était petite, son père l'avait amenée dans le temps. Tu avais des films dans des centres communautaires du village. Tu pouvais amener tes enfants voir un film. Puis l'avait amené voir Jeanne d'Arc. Ma mère, elle était traumatisée. Parce qu'elle brûle à la fin. Puis encore un moment donné, je l'entendais dire, oh, Jeanne d'Arc a été brûlée par les Anglais. En loin, par les Anglais. C'est là que on réalise pas ces forces-là. Contradictoire, hypocrite, récupératrice. C'est l'Église catholique qui a brûlé Jeanne d'Arc avant de la canoniser dans les années 30. Mais dans le temps de Charles VII, c'est l'Église catholique qui l'a brûlé. C'est pas les Anglais, c'est l'Église. Ben oui. Ils l'ont brûlé. Après, rendu des années 30, là, ils l'ont canonisé parce qu'elle était de plus en plus populaire, puis elle est encore, tu sais, je veux dire, elle a laissé ses marquants. Parce que même le collège de chanoines qui était là, puis qui ont validé les résultats du procès, puis tout, puis une fois qu'elle a été brûlée, il y en a là-dedans, ils étaient traumatisés. Je pense qu'on a fait une erreur, on a brûlé une sainte. Pendant qu'elle brûlait, même, il dégageait ses vêtements pour que tout le monde voie que c'était une femme. Parce que probablement Jeanne d'Arc était tomboy un peu. Fait que bon, tu sais, pour de là être obligé de la montrer que c'est une femme, là, pour que les gens soient sûrs. Mais il reste que c'est eux autres qui l'ont brûlée. Tu sais, moi j'ai bien de la misère avec ça. C'est encore dans la tête du monde, ah, les Anglais, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Non, non, c'est complètement faux. C'est l'Église qui l'a brûlée. Premièrement, l'Église protestante anglicane n'existait pas encore. C'était à l'époque de Charles VII. Donc, même si les Anglais l'avaient brûlée, ça aurait été l'Église catholique. Personne ne réalise ça. Ils brûlent du monde, puis après, ils sont médecins. Puis il n'y a personne qui allume, dit, ben là, coudonc, il me semble que ça ne marche pas, là. Fait que c'est toutes des contradictions qui font que, bon, ben. C'est un petit peu juste, tu regardes la doctrine du péché originel. Dieu qui est omniscient, il fait exprès il met sa créature dans une position où il sait d'avance qu'elle ne passera pas le test. Dans le fond, ça, il y avait pas à faire, il y avait juste à. Tu sais, il y a de quoi à un moment donné qui ne marche pas. En plus, il a créé une créature imparfaite qui sait que. Fait que ça marche pas. Si on le regarde sous l'angle littéral, ça marche pas. Non, ça tient pas la route. Puis on a bâti toute la morale occidentale sur des affaires illogiques qui basées sur la polarité dans l'intellect. Ça a donné la morale comme on la connaît. Puis c'est une morale qui est schizophrène un peu. Dans le sens, pour ça qu'on a vu des horreurs faites au nom du bien. On tue au nom du Christ. Il y a des passages dans le Nouveau Testament, je me rappelle plus dans quel, mais c'est bien, bien frappant, c'est bien bizarre. À un moment donné, Jésus, il parle avec du monde, puis les gens, ils parlent de des gens qui agissent d'une façon que, dans le fond, qui désapprouvent, puis tout. Puis le Christ, il dit, amenez-les devant moi, puis égorgez-les. Puis c'est pas une métaphore ni une parabole, il demande ça au sens littéral, comme. C'est là que, maintenant, on se rend compte, là, premièrement, ça veut dire que les conciles qui ont choisi les évangiles qu'on a, dans le fond, ils se sont pas rendus compte qu'on dirait qu'il y a différents personnages. parce que ça Ben, c'est marche sûr que pas tout. ceux qui ont écrit les évangiles, Pierre-Jean-Jacques, là, qui a été retenu, ils ont des visées politiques. La question de construire l'Église sur cette pierre, c'est seulement Pierre qui a amené ça dans la Bible, c'est pas les autres. Parce que Pierre et Saint-Paul, c'est complètement à part. C'est parce que c'est là qu'on se rend compte que le christianisme, c'est différentes branches. Ben, c'est Puis il n'y a ça, pas. chacun évangéliste interprète les choses, tire la couverture de son côté pour amener son agenda politique. Et que tu as l'église de Pierre, qui est Saint-Paul, Saint-Pierre, blablabla, qui a fini par donner l'église catholique. Puis tu as l'église de Saint-Jean, qui est plus mystique, qui est plus. Que ça, c'est encore underground. Ça l'est depuis le début, puis ça l'est encore. Parce que c'est quoi le prince de la terre? Il dit, fait qu'il faut attention. Parce que si tu arrives avec des affaires dans la main, il te brûlait. Fait que bon. Si tu arrives, tu osais même dire, il me semble que ça se tient pas, j'ai vu une contradiction ici, puis là, tu étais soumis à la question, puis tu te faisais avouer n'importe quoi. Juste pour te débarrasser de toi, parce que t'es gênant, tu soulèves une contradiction. Ils s'en foutent que tu sois hérétique ou pas. C'est pas ça le but. C'est pour ça que c'est comme l'affaire de purgatoire. Au début, c'est une hérésie. Là, ils persécutent le monde qui croyait à ça. Là, ça devient de plus en plus populaire. Ils font un concile. Là, ils fichent ça dans la liturgie. Puis là, c'est on croit au purgatoire. Puis là, ceux qui veulent pas y croire sont persécutés comme hérétiques. C'est des affaires de même qui fait que tu le reconnais, c'est quoi l'affaire, le singe qui récupère. C'est ça, c'est des retournements de situation en lien avec l'agenda satanique et luciférien des gens qui dirigent Ouais. d'une époque à l'autre. Puis le monde a une image naïve de ça. Parce que le monde, il pense les forces sataniques, puis les forces luciférienne, il pense que c'est comme ce qu'ils ont lu des théologiens ou qu'ils voient d'un film. Tandis que c'est pas mal plus subtil que ça. Puis souvent, le monde qui sont sous l'emprise de ces forces-là, ils le savent pas. Mais non. Fait que. Puis t'as du monde, même des fois, qui vont se prétendre faire attacher à ces forces-là, puis tout, puis pour une image ou peu importe, puis pour intimider ou pour des raisons de survie. Puis finalement, quand t'es connu dans le privé, tu te rends compte que c'est du bon monde, puis que c'est rien que de la manipulation pour des raisons de survie. Que ce ne sont pas sataniques, dans le fond, ils sont pas dangereux. Parce que si tu regardes les Hells Angels au Québec, ils ont carrément, je veux dire, si tu regardes leur philosophie, eux autres, c'est que bon, ben, le monde matériel puis la planète, c'est l'enfer. Mais tu peux t'en détacher, t'en évader par les paradis terrestres, puis le pouvoir, puis l'argent. Puis certains plaisirs. Ça, c'est une doctrine satanique. Mais quand tu regardes dans les faits, il y a du bien bon monde là-dedans. Puis qui ont évité bien des problèmes parce qu'ils servent de police underground. Puis il y a des dérives qu'ils ne laissent pas faire. Ils servent de police un peu dans le sens comme il y aurait eu bien plus de surdoses de fentanyl si ça n'avait pas été d'eux autres. Il y a du bon monde là-dedans. Tandis que tu regardes le monde qui sont supposés être bons, puis qui ont une doctrine qui est supposée être lumineuse, puis d'amour, puis finalement, comme certains organismes communautaires ou certains groupes religieux. Puis là, dès que tu grattes un petit peu, tu te rends compte finalement, c'est des forces. Anti-hommes, puis là, aujourd'hui, on a tous les scandales de pédophilie en lien que le clergé qui ont sorti des dernières décennies. Mais ça a toujours été. Là, c'est parce que le clergé est en train de tomber depuis des décennies, fait que là, ça sort. Mais t'as autant d'abus par des laïcs, t'as autant d'abus par des travailleurs sociaux, par des professeurs d'école, par des. Sauf que là, l'accent est mis là-dessus dans les médias présentement, parce que là, je sens qu'une volonté de discréditer le plus possible l'Église catholique, le Ah message oui, du c'est Christ, politique. pour que les gens adhèrent au mouvement woke. Puis on dit que Mais c'est dans le fond, l'éveil. ben Le oui. wokisme, le mot woke, ça veut dire éveil. Fait que là, il y a des gens qui vont adhérer à ça. Puis finalement, on va se ramasser encore qu'une autre idéologie. Comme tu disais tantôt, le singe qui récupère tout pour retourner ça Ben contre le oui. monde. Ben oui, c'est pour ça, woke, ça veut dire réveiller, mais c'est bon. En tout cas, c'est un éveil à une idéologie qui est un rêve, tu sais. C'est comme, bon, tu rêves que tu te réveilles. Mais il reste que, si on regarde ça comme l'Église qui a été blâmée, puis là, les abus, puis tout, ceux qui abusent, c'est du monde qui sont dans les services sociaux, dans le domaine de l'enseignement, puis entre autres, des affaires dans même souvent. L'affaire, c'est que dans le passé, c'est l'Église qui gérait les services sociaux, l'enseignement, ces affaires-là. C'est pas parce que l'Église catholique est pédophile, c'est parce que l'être humain, il est pourri. puis l'être humain, il est pervers, puis il est pédophile. Plus tu, tant que tu vas avoir des services sociaux, puis que tu ne les surveilleras pas, tu vas avoir de l'abus, que ce soit l'Église ou pas l'Église. Non, Fait que non, la mais je DPJ, il y a comprends, autant mais d'abus. c'est comme les mouches qui sont tout le temps attirées par la merde, où les pédophiles vont toujours s'organiser d'être proches des enfants, que ce C'est soit ça. en jouant au prêtre ou en jouant à l'instructeur Ben sportif. là, ben c'est ça. Au lieu d'aller se faire ordiner prêtre, ils deviennent bénévoles de ces pizzas. Coach d'hockey, puis ces choses-là, comme le disait Doc Mayhew, dans certains cas, père nouveau genre, c'est-à-dire un homme célibataire qui va vers une femme, il n'est pas intéressé par la femme, mais c'est les enfants qu'elle a Hey. parce qu'elle est monoparentale. Ben déjà là, moi, je trouve toujours ça louche. Les mères monoparentales, ils ont tellement besoin d'un soutien, mais on vit dans une société où ce qu'on a nié que ça prend un soutien à une mère monoparentale, que ça peut aider à un homme. Fait qu'elle, comme elle est désespérée, puis tout, elle, dès qu'il y a le premier taouin qui arrive, elle est contente. Elle réalise pas que un homme normal, ça y tentera pas de ramasser une mère monoparentale avec des enfants qui sont pas les siens. À moins que ça soit quasiment un saint, là. À part ça, c'est louche. Tu sais, je veux dire, un gars qui cherche une blonde, il cherche pas, il va pas chercher une mère monoparentale qui a déjà des enfants. À moins que c'est parce qu'il est sincèrement en amour puis que c'est un saint, comme mon beau-père, il a élevé 10 enfants qui n'étaient pas à lui. Mais c'est Mais ça, c'est c'est un parce qu'il saint, là. était. C'est comme Ouais. très rare ou peu probable, là. Ah oui, parce que lui, quand. Son frère avait marié une femme, puis il avait eu plusieurs enfants avec. Puis quand ils se sont séparés, ben lui, ça a donné qu'il est sorti avec son ancienne belle-sœur. Mais c'est lui qui a élevé les enfants de son frère. Mais c'était vraiment parce qu'il avait bon cœur puis qu'ils aimaient. Mais ça, vu le genre d'enseignement qu'on reçoit, vu le genre d'influence qu'on a, vu le genre de société dans laquelle on vit, il va en avoir de moins en moins. Fait que. Un gars qui veut aider une mère monoparentale qui a des enfants, c'est rendu louche. Tu sais. Fait que, ouais. Ça devient. C'est vraiment n'importe quoi. On a détruit le père. Parce que. On a mis dans la tête du monde, ben, le père de famille. Quand il y a des abus d'une famille, c'est souvent le père. C'est lui le synonyme d'abus à cette heure. Tandis que le père, c'était le seul moyen, dans le fond, de protéger les enfants. Je me rappelle, j'avais lu une biographie de Marcel Béliveau, puis lui, quand il était petit, il était rentré dans une classe. La classe n'était pas encore commencée, mais il y avait un de ses amis qui était en train de se faire abuser par un frère. Puis Marcel Béliveau, parce qu'il avait vu ça quand il était petit, le frère, il l'avait pris en grippe, puis il le punissait, puis. Puis finalement, un moment donné, Béliveau, il est allé voir son père parce que son père, il dit, voyons, t'as tout le temps des problèmes à l'école, t'es tout le temps retenu, c'est quoi le problème? Puis Marcel Béliveau, il a conté ça à son père. Il dit, le frère, il m'aime pas parce que je l'ai surpris. Ben, c'est tout ce qu'a fait le père de Marcel Béliveau. Il l'a Il est probablement allé à battu. l'école, il a crissé une volée. Mais C'est c'est à ça que ça. ça sert, un père de famille. Puis c'est des lois naturelles d'autorégulation en société. Mais on est. Tu sais, à cette heure, quelqu'un qui fait ça, c'est pas l'abuseur qui va aller en prison, c'est le père de famille. L'abuseur, lui, il va pogner un sursis, puis oh, c'était pas violent. C'était pas violent, sursis. Le bonhomme, oh, vous avez donné un coup de poing dans la face de quelqu'un, blablabla. Dossier judiciaire, accusation de voie Ah de ouais, fait. prison, envoyé. C'est le monde à l'envers. D'ailleurs, ben, c'est peut-être pour ça que Stéphane Bureau, depuis qu'il a retourné sa veste, il anime une émission qui s'appelle Demain. C'est des valeurs à l'envers, puis tout est à l'envers. Mais ça, c'est parce qu'on est polarisé. Sinon, il n'y en aurait pas d'inversion. Non, non, puis pendant ce temps-là, on assiste au génocide culturel du peuple québécois après celui autochtone. Puis le pire, c'est qu'il y en a qui pourraient dire, il y en a qui iraient jusqu'à dire, ben, c'est pas grave, ça n'existe pas la culture québécoise. C'est des caves de même qu'on a eu. Jean Chrétien, petit gars de Shawinigan. C'est un des pires traits qu'on a eu, ça. Puis, bon, tu sais, qu'est-ce que tu veux que. Le monde n'allume pas. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu vrai qu'on est idiot, c'est un peu vrai qu'on est naïf, c'est un peu vrai qu'on est inculte, c'est vrai qu'on n'est pas très dégourdi. Puis le fait qu'on va en souffrir, puis en souffrir, puis en souffrir, puis en souffrir, ben ça fait qu'il y en a un dégourdi qui apparaît de temps en temps. Comme effet paradoxal. Ben, c'est des réactions naturelles de défense. Mais tu sais, c'est comme dans le temps. Quand un jeune était, je sais-tu, moi, qui était trop différent, puis tout, il se faisait écœurer par les autres, puis il se faisait battre des fois. Mais on ne s'est jamais penché à se demander si ça n'avait pas du bon. Qu'il se fasse Puis battre? si. Ben oui. Pourquoi? Parce que c'est des lois. Dans le sens que un jeune, il va se faire du caractère, il n'aura pas le choix. Tu sais, je veux dire, ça forge le caractère, ça. C'est sûr. Fait que il y a bien du monde que parce qu'ils en ont bavé, je veux dire, ils ont développé des mécanismes de survie, puis c'est bien plus dur les impressionner que d'autres, avec tout ce qu'ils ont subi. Mais là, on vit à une époque, faut être fin avec tout le monde, puis faut accepter tout le monde, puis la diversité, puis blablabla. On va faire des La cas. nouvelle normalité des transsexuels qui lient des histoires à des enfants. Ben, c'est ça. Puis ça va faire une société inférieure, ça n'a pas le choix. Parce que pendant que les mêmes lois dans d'autres sociétés continuent à exercer une sélection, puis à faire que les individus se forgent, puis qu'ils apprennent à gérer des vibrations de plus en plus fortes. Nous autres, on va être dans le déni tout le temps, puis dans l'idéalisme, puis dans des choses qui sont pas réelles, finalement. Fait que finalement, on va créer une génération de scrap, je veux dire, tu sais, c'est pour ça que, admettons, là, qu'il y aurait. Moi, j'ai des. Pour ça, il y en a, ils chialent, ils disent l'armée canadienne, c'est rendu une joke. C'est sûr. Ça l'était déjà que les armements désuets, là, qu'on avait, des cochonneries de sous-marins qui ne fonctionnent pas à moitié, puis tout ça. Mais là, comme tu en parlais récemment, c'est qu'il y avait des. Là, ils vont pouvoir avoir du cutex sur les ongles, puis des hommes qui s'habillent en transsexuel, là. Ben oui. Ben c'est comme ils ont changé les règlements pour les tatouages puis tout. Puis il y en a qui m'écrivaient, ben là, s'ils acceptent pas les tatouages, il n'y aura plus personne dans l'armée. C'est pas ça l'affaire. Le règlement dans l'armée, c'est genre, tu sais, pas de tatouage en pleine face, là. C'est dans des endroits visibles, Ouais, comme la ben tu face, le sais, c'est comme cou, qui quelqu'un peuvent qui pas être aurait toute la recouverts. face tatouée en crâne. Ça, c'était pas accepté dans l'armée, là. Puis c'est normal. Hey, faut exercer une sélection, là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui a pas le discernement de pas faire ça, je vais pas lui mettre des responsabilités de la vie de ses collègues des mains. Surtout Voyons, là. si, ouais, c'est ça. Ben là, t'as pas le discernement, t'es même pas capable de t'entretenir ta face comme du monde, je vais pas te mettre la vie des. Voyons, là. Puis je vais pas t'envoyer dans des. T'as-tu pensé on envoie des soldats arrangés de même dans des missions de maintien de la paix, puis tout, genre au Moyen-Orient? Ben, le monde, ils respecteront pas. Ils auront zéro autorité face aux Ben talibans. là, ben je comprends donc, le monde vont se révolter même. Mon Dieu, Tu c'est une sais. gang de clowns. Ben, il va avoir raison aussi. Tu sais, c'est comme là, la Coupe du Monde qu'il y a eu au Qatar, là, puis le monde, là, ils veulent à tout prix, tu sais, comme les provoquer, puis leur faire la leçon, puis ils se rendent-tu compte comment c'est déplacé? C'est comme si j'allais chez le voisin, puis je disais, oh, ça, c'est pas correct, puis c'est pas comme ça, là, ta Ils salle à dîner est maltraitent pas les aménagée comme employés, faut. les droits de l'homme seraient Ben là. violés, puis. Ben là. Donnez-leur pas d'abord, si laissez-les pas recevoir la Coupe du Monde. Mais C'est pour. là, j'ai écouté un documentaire sur Tout.tv par rapport à ça, disait que le gars qui a donné ça au Qatar a été acheté par un pot de vin qui a fait qu'on a mis le Qatar pour avoir la Coupe du Monde, là. Ben ouais, mais quand que la Coupe du Monde est ailleurs, c'est pas par des pots de vin. C'est quand Que même pas de c'est la. l'amour inconditionnel, là. Ben ouais, c'est la méthode habituelle, c'est comme les Jeux Olympiques et ces affaires-là. Mais là, arrêtez, c'est quoi le monde? Heureusement qu'ils sont invités parce que, je veux dire, un Qatari qui ferait ce que certains ont fait, il passe le reste de sa vie en prison. Hey, ils laissent même les gens boire de l'alcool. Tu sais, moi, j'en revenais pas, j'ai dit Parce que le son. Qatar, si je me trompe pas, c'est un pays musulman quand même Oui. strict, là. Oh, c'est un Émirat. Tu sais, l'alcool est illégal, là. Ben, ils ont été tolérants, maudits, là. Je les trouve très, très, très tolérants. Même, je trouve ça insultant. Moi, recevoir du monde puis se conduisent de même, là. Je pense que je calisse tout le monde dehors. Puis je dis, bon, ben là, c'est un fuck, là. Faites-vous votre propre Coupe du Monde. Nous autres, on participe plus à ça. Mais les Qataris eux-mêmes, la population n'aurait pas été contente. Je le suppose, c'est quoi cette maladie-là là, pour ce sport-là, là. Mais dans des autres pays, c'est bien important. Puis bon, mais là, le Qatar, bon, tu sais, si vous les trouvez si pire que ça, le Qatar, puis que vous êtes tellement pas content, le Qatar, le Qatar, le Qatar, ben oui, mais allez voir ceux qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Hein? L'Arabie Saoudite, puis le Qatar, puis les Émirats Arabes Unis, puis c'est tout lié à des paradis fiscaux anglais, puis ça a tout été fait plus possible selon l'aide bon, des services anglais. Je veux dire, c'est hypocrite, là. C'est vraiment hypocrite. Les gros hôtels que les Saouds ils ont fait bâtir autour de la Mecque, là, il n'y a personne qui a remarqué que c'est tout de l'architecture anglaise. C'est vraiment ça, là. Puis, tu sais, ils ont fait construire des immenses hôtels, c'est géant, puis tout. Puis, moi, je l'ai vu tout de suite, je voyons donc. C'est vraiment de l'architecture anglaise. Le monde ne se rend pas compte de l'importance de l'Angleterre dans la création de ces émirats-là, puis de ces royaumes-là, puis d'Israël, entre autres, puis du maintien d'une certaine chicanerie. Mais Mais oui, reste c'est que. l'Angleterre qui disait puis régner, puis c'est d'avoir des tentacules un peu partout, là, comme les comptoirs commerciaux, là, que ce soit Taïwan ou autre. Ouais, ben de toute façon, c'est plus l'Angleterre proprement dite, mais des gens qui viennent d'Angleterre, mais c'est des Oui. internationalistes, là, eux autres sont comme ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas besoin. Non. Mais, vu qu'ils C'est des s'en foutent de citoyens du l'Angleterre, monde. C'est des ben oui, citoyens du ben monde, mon cher. les citoyens anglais eux-mêmes, en ce moment, en Angleterre, il y a du monde, il faut qu'ils achètent de la bouffe à chien pour manger. À ce point-là. Oui, il y a du monde qui sont rendus sur la moulée pour animaux. Ça te montre à quel point ils méprisent leur propre population. Mais en tout puis moi, les populations pauvres qu'il y a en Angleterre, là, c'est des méchants. Tu sais que les genres hooligans là, qui se pètent la tête dans le mur, là. Sais, c'est du monde assez limité, là. Je veux dire, leurs pauvres à eux autres, je les trouve pire que les nôtres. Mais ça se compare même pas. Eux autres, quand ils sont demi, ils sont pas à peu près, là. T'sais, les certains types là, de Britanniques très violents, là, comme les hooligans, puis il n'y a rien à faire avec ça. Ils méprisent leur propre petit peuple, ça paraît. Puis bon, si tu regardes les anciens quartiers ouvriers anglais, t'sais, des villes comme Liverpool, puis. Dans le fond, je sais pas, c'est à peu près dans les. Ils peuvent bien. Ça me fait penser dans le temps le film Trainspotting, là, Ferrovipat. C'est des jeunes Écossais là, qui sont drogués, puis parce que dans le fond, ils s'ennuient, puis bon. Puis à un moment donné, il y en a, ils se mettent à parler de l'Écosse, tu sais, qui est leur pays, puis l'Écosse. Puis à un moment donné, il y en a un des jeunes, il dit, c'est le trou du cul du monde, l'Écosse. C'est la pire place où vivre, tout le monde est malheureux, puis. C'est un petit peu ça, là. C'est ça qui a mis au monde des affaires comme le rock'n'roll britannique. Puis c'est le fait que ça se développe dans des coins ouvriers où les jeunes ils ont rien à faire. C'est ça de là que ça vient, les sous-cultures alternatives. Puis ça vient de la pauvreté, ça vient de. Bon, en tout cas, moi je vais devoir me coucher, là. Oui, mais parlant d'Angleterre, je voulais avoir ta perspective sur The City. Ouais, de La. Londres. Oui. Ben, c'est un peu comme Wall Street. L'affaire, c'est que les bourses, comme la première vraie bourse qu'il y a eu, c'était en Hollande. Puis, bon. Finalement, c'était un modèle. C'est des choses qui n'auraient pas pu exister sans le protestantisme. Fait que c'est normal que l'Angleterre puis New York soient des hauts lieux de la finance. Ça n'a pas le choix. Fait que la City de Londres, ben, c'est un petit peu. C'est drôle, la City de Londres, tu sais, que c'est tellement beau, puis tout, puis pourtant, quelques heures d'auto plus loin, puis là, c'est des banlieues pauvres, puis violentes. C'est un laboratoire parfait. Tu peux voir différentes strates cohabiter. Comme un gros Titanic, l'Angleterre, il y a différents étages. Puis pourtant, c'est tout sur le même bateau. Mais apparemment, c'est un pays, dans le sens que la Sept-Îles-de-Londres, elle n'a pas les mêmes lois et la même structure que l'Angleterre, là. Ben, moi, tout de suite, quand tu dis la City de Londres, ça me fait penser tout de suite à la Cité du Vatican, qui est un pays indépendant, dans un autre pays indépendant. D'ailleurs, quand la Cité du Vatican a été nommée comme un État indépendant par Mussolini, il y a eu au Québec des processions dans les rues pour remercier l'Italie fasciste, puis il y a même des églises, il y avait des fresques en l'honneur de Mussolini. Tu sais, quand je dis qu'on est un peuple d'épée, là, c'est un petit peu ça. Mais la Cité de Londres, c'est un peu comme la Cité du Vatican. Moi, je vois ça de même. Fait que bon, c'est les mêmes. Je sais pas, quand on regarde l'architecture aussi, ça rappelle différentes choses. C'est un petit peu être un immeuble là, qui est comme une espèce de glande pinéale allongée, mais un genre pomme de pin, là. Ça fait une Ben, affaire. ça faisait penser à un phallus, là. Oh oui, c'est l'équivalent de l'obélisque que tu as à Saint-Pierre. Fait que, aussi quand. Mais tu sais, moi, à mes yeux, c'est vraiment. C'est comme l'aboutissement. Dans le sens que, bon, ça commence. La Cité du Vatican, là, on a la Cité de Londres. Mais ben moi, la façon que je vois ça, c'est que la cité du Vatican, c'est au niveau du pouvoir religieux, tandis que la cité de Londres, c'est au niveau financier. Ben, ça revient à tout. La Vatican, c'est aussi une banque. Oui. Puis. C'est pas au niveau religieux qu'ils voulaient le plus exercer le pouvoir, eux autres. Le pape avait une armée, puis. C'est juste la nouvelle religion maintenant, c'est la finance. C'est tout du pouvoir temporel tout le temps. Même tous, dès qu'ils disent que oh, nous autres, on est des instances spirituelles, ben oui. Ça doit être pour ça qu'ils vivent dans le monde. Tu sais, c'est comme tu t'en vas dans des pays comme le Cambodge, puis tu regardes les moines bouddhistes, là, le clergé bouddhiste, puis ils s'achètent des lunettes de soleil de marque, puis ils vivent très bien, mettons. C'est tout le temps tout pareil, c'est tout de la foutaise. Le comble du pouvoir temporel, c'est celui qui se prétend spirituel pour en plus avoir un contrôle total. Tu peux avoir un contrôle sur le plan matériel parce que tu contrôles le subtil. Dans le fond, le vrai pouvoir spirituel devrait passer par le matériel pour aller vers le subtil. Puis finalement, on vit sur une planète où tout le monde se sert du subtil pour exercer un pouvoir concret dans le matériel. C'est l'hypocrisie. Fait que, moi, je vois pas de différence tant que ça entre la Cité de Londres, puis la City, puis la Cité du Vatican. C'est juste un peu comme quand Rome est tombée, puis ça s'est transféré vers Byzance. Fait que, dans le fond, on est parti du pouvoir de la superstition, puis de l'idéologie, au pouvoir de la finance pure. Dans le fond, ça suit les Non, non, c'est la principes même logique, capitalistiques. là. Ouais, je comprends. C'est encore le même esprit de domination qui est derrière ça. Ben, dès que. Quand ils sont mis à persécuter les Juifs en Europe continentale, il y en a beaucoup qui sont allés en Angleterre. Puis là, les protestants, eux autres, ils étaient plus portés à l'idée de l'Ancien Testament, puis une doctrine de la prédestination comme les Juifs. Fait que ça s'entendait bien. Puis finalement, bon, aujourd'hui, la Cité de Londres, c'est un peu un Vatican protestant. De la finance, tant qu'à moi. Ça revient, c'est l'aboutissement de tout ça. Puis, bon, il y a eu une compétition entre les Latins et les Anglais, quand dès qu'il y a eu la Réforme, puis ces affaires-là. Puis les Anglais ont gagné. C'est les protestants qui ont gagné cette guerre-là, dans le fond. Cette guerre de religion-là. Ben, regarde ce qui est arrivé en France, le massacre de la Saint-Barthélemy. Finalement, c'est les catholiques qui ont massacré des protestants. D'une façon dégueulasse, là, c'était rendu clos de la Seine était rouge. Puis finalement, ben, quand on regarde ça, les protestants, ils se sont bien revengés. Ils l'ont gagné, la guerre de religion. Parce que les seuls pays qui restent catholiques, c'est les pays pauvres où que c'est plus facile de. Bon, les gens sont plus. T'sais, Naïf. bon, à l'Amérique du Sud. Mais les protestants L'Afrique. ont gagné la guerre. Puis finalement, ça aboutit. Le Vatican, Rome est un centre financier à un moment donné, comme le Portugal en a été un, comme l'Espagne en a été un. Aujourd'hui, bon, ben, c'est Washington, ça a été New York, ça a été. Mais finalement, ça va finir possiblement par être. Là, la grande peur, c'est que ça devienne Hong Kong ou Shanghai. Puis ça risque de. Tu sais, je veux dire, on dirait que l'apogée civilisationnelle, si on peut appeler ça de l'apogée, il se promène. Tu regardes l'histoire, à un moment donné, c'est les Arabes sont super avancés, puis c'est la grande noirceur en Europe. Là, à un moment donné, la Chine est super avancée, puis c'est la grande. Puis on dirait que ça se promène. C'est cyclique. C'est comme les Chinois, bon. Ça fait un bout de temps là qu'ils n'ont pas eu le pouvoir, qu'ils n'ont pas été la civilisation. C'est pour ça qu'ils sont épeurants. Hein. Parce que si jamais ça revient d'abord, la pire affaire qui pourrait arriver pour ceux qui n'aiment pas la Chine, c'est que la population se révolte pour vrai puis qu'ils renversent le gouvernement du Parti communiste chinois. Parce que là, la Chine pourrait réellement se réveiller pour vrai puis là être vraiment la civilisation la plus. Puissante. Ben oui, parce qu'ils ont des ressources, ils ont la main-d'œuvre. La seule chose qui nuit à la Chine, c'est cette maudite sclérose de parti communiste. C'est ce qui est ça nuit, c'est terrible. Puis nous autres, on est tellement imbéciles qu'on vote pour du monde qui disent oh, j'admire ça, ce régime-là. Ils ont la capacité de se revirer sur un tisane. Ouais, mais maintenant que ça se revire sur un tisane pour tomber, Mais comme le dit c'est Justin Trudeau, c'est ça l'ironie, c'est un dirigeant en plus d'un pays qu'on dit démocratique, hein, le caca Nadeau. Puis Ah il oui. va sortir une ânerie de même. Ben oui, les Chinois ont la capacité de se revirer sur un Edison. Ouais, si la Chine se revire sur un Edison pour ramasser le Parti communiste puis sacrer ça à terre, puis qu'ils deviennent une vraie puissance, ils vont le regretter. C'est nous autres qui vont le regretter parce qu'au niveau économique, on ne sera pas capable de suivre. C'est les politiques mortifères envers son propre système qui fait que la Chine s'auto-maintient. Mais là, je veux dire, ça serait une explosion coloniale partout. Les Chinois, ils ont des tentacules partout, même en Afrique, même. C'est dur de blâmer, on a tout fait pareil. Je veux dire, l'Occident. Ah, j'écoutais un documentaire qui disait qu'en Afrique, il y avait un pays sur deux où les Chinois faisaient affaire avec eux, puis dans certains cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, ah, oh, vous allez avoir un port, on va vous le construire, ça va vous coûter rien. Par contre, par la suite, ils peuvent l'utiliser, puis ça devient une entrée pour la Chine. Ah oui, ben c'est des vieilles. Tactique. Ils font ce qu'ils se sont fait faire. Parce que c'est comme ça que s'est créé Hong Kong. Ils ont forcé il y a eu la guerre de l'opium, puis ils ont forcé les Chinois. Puis c'est pareil. À prendre l'opium, puis aujourd'hui, les Chinois nous amènent les téléphones intelligents, tous les gadgets là, qui nous collectent C'est comme des des données. commandes. Là. Par contre, qu'on est envahi par des opioïdes qui ont tué plein de monde, ça c'est une vengeance pour la guerre de l'opium. C'est la même technique. Sauf qu'eux autres, ils ont pris du fentanyl. C'était tout fait en Chine. Puis, ben oui, mais c'est ça. Mais là, finalement, c'est parce que c'est rare, tu vois ça, un pays va déclarer une guerre à un autre pays pour le forcer à ouvrir son marché. Mais c'est ça qui est arrivé aux Chinois. Puis, ils l'ont compris, et puis à cette heure, ils font pareil. Fait que, oui, ils vont dire, ah, ben, on va te construire un port. Finalement, c'est une façon de les rendre, d'envahir d'autres marchés, créer des marchés, de les rendre dépendants. Même chose pour la route de la soie en Europe de l'Est. Ils vont dire, ah, ils vont dynamiser l'économie des pays voisins, Chris. Ils vont en faire leur esclave éventuellement. Ben oui. Ben là, il est en train d'émerger en Chine quelque chose qui est une classe moyenne, tandis qu'elle est en train de disparaître en Occident. Ça regarde mal, là. C'est pour ça que, bon, malgré que leur classe moyenne, eux autres, c'est pas la même qu'on a eue. Sont pas mal. Mais les Chinois sont. Il y a tellement un grand contrôle de l'information que les Chinois ils n'ont pas de vision d'ensemble. Fait que, tu sais, des fois, t'expliquerais aux Chinois comment que leur gouvernement est vu dans le monde, puis ils n'en reviendraient pas. Ils disent, ben voyons donc, c'est pas si pire. Tandis que t'as d'autres Chinois qu'eux autres, ils y ont goûté pour vrai, là, ils vont dire, non, non, c'est encore pire que ça. C'est ça, les jeunes de la diaspora qui sont sauvés, puis eux autres se font traquer à distance par les autorités chinoises. Ben, c'est parce qu'en plus, c'est pas juste les autorités chinoises, parce qu'à travers tout ça, t'as tout les triades chinoises, puis eux autres, des fois, ils ont des ententes avec le gouvernement. Parce que, dans le fond, admettons que tu veux faire de la répression à une famille qui vit à Toronto ou à Montréal, tu vas pas envoyer des dignitaires officiels chinois. Ça va être d'autres citoyens canadiens chinois, mais qui sont liés aux triades. Puis c'est eux autres qui vont aller faire... la merde, puis que finalement, t'as du monde qui disparaît, tu te retrouveras jamais. J'avais jasé avec un policier qui disait, le quartier chinois, on touche pas à ça. On touche pas à ça, il n'y a pas moyen d'enquêter. Quand ils font disparaître quelqu'un, il y a un autre gars avec la même face, puis les mêmes papiers, puis on n'est même pas capable de prouver que c'est pas lui. Puis c'est tout le temps de même. C'est plein de front, des commerces que dans le fond, il y a des places... En tout cas, moi j'en connais une, madame, dans une autre ville, une chinoise. Puis elle, son restaurant, il n'y a jamais personne qui va là à cause de la réputation qu'il a, mais elle a plein d'employés, puis elle a de l'argent, puis tout va bien. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Ben, des fois, les restaurants, ça peut être une occasion de faire du blanchiment d'argent. Et voilà. Puis aussi, l'Asie du Sud-Est, il y a de la. Bon, tu peux faire venir de l'héroïne de là. Puis bon, tu sais, c'était un peu, j'étais allé une fois dans une place à Montréal, puis c'était je pense que c'était des Sri Lankais, des Tamouls, qui tenaient, c'était une espèce de pharmacie. Mais je n'avais jamais vu ça, une pharmacie de même. Les tablettes avaient un exemplaire de chaque article, puis c'est tout. Tu avais une bouteille de Scotch, un tube de pâte à C'est la bébé. politique zéro inventaire. Il Ah était en oui, ça avance avait sur l'air notre temps de... avec la pénurie d'inventaire. C'était une pharmacie, mais c'était comme un musée. T'avais un exemplaire unique de chaque objet, puis il était placé, tu sais, c'était spécial, là. Là, je regardais ça, puis là, je regardais la madame au comptoir, puis finalement, j'ai reviré de bord, puis je suis parti. Je lui ai dit, non, moi, j'achète rien, là. C'est suspect. Ben, c'était plus que, tu sais, je le voyais, là. C'est sûr, eux autres, c'était un front, puis ils blanchissent, puis ils doivent financer les tigres de Tamoul, puis... Mais parlant de la Chine, je voulais t'amener à commenter ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire qu'un espion chinois a été pris dans les rangs d'Hydro-Québec. Ben, ça marche pas. Ça se tient pas. T'as une politique, il faut que tu sois au niveau de la langue pour travailler chez Hydro-Québec. Ce gars-là, il a eu besoin d'un interprète. Il parle ni anglais ni français. Comment il a pu être engagé si chez Hydro-Québec? Ça marche pas, là. À moins Ça qu'il se y ait eu des tient compétences particulières qui pas. apporteraient un apport à On Hydro-Québec. est l'expertise là-dedans, dans le monde. Non, mais je parlais pour des raisons d'inversion de réalité, que lui, il se présenterait comme un spécialiste de la Chine qui aurait peut-être fait des études doctorales en lien avec On n'a pas l'électricité ou besoin je de sais pas leur trop quoi. expertise. On n'en a pas besoin de leur expertise. Tu sais, c'est pour ça que ça marche pas, là. Ça se tient pas, cette histoire-là. Comment il est fait pour être engagé? Il parle ni français ni anglais. C'est louche. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que, bon, si on a donné des informations à la Chine, c'est volontairement. Puis on essaye de faire à croire qu'on le fait pas. Mais dans quel but? Ben, il n'y en a pas de but dans le but. Dans quel but? C'est parce que c'est toute une illusion. Je veux dire, Ben, je la veux dire, si Chine tu puis le donnes, admettons, Canada, ils ont les mêmes boss. des secrets industriels à la Chine par rapport à l'électricité, bon, tu sais, implicitement, c'est que tu veux qu'il soit le plus efficace pour l'électricité. Souvent, c'est des affaires comme genre du monde qui ils vendent des renseignements. Puis ont des complices en haut lieu, c'est tout. C'est juste corrompu. C'est comme quand ils se sont rendus compte que Clinton avait probablement vendu des secrets d'État à la Chine. Elle l'a fait juste parce qu'il a payé. Dans le fond, en arrière des rideaux, la Chine, puis le Canada, puis les États-Unis, ils ont probablement les mêmes boss. Fait que bon, c'est. Finalement, moi, je vois pas. Puis, tu sais, voir toute la merde qu'ils ont faite pour Trump, puis Hillary Clinton a revendu des secrets d'État aux Chinois, puis il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas rien. Avec 75 000 courriels. Tu sais, c'est n'importe quoi. Mais elle C'est fait vraiment. partie de la bonne gang, Hillary Clinton. Ben oui, c'est ça. On Oh. ferme les yeux, hein, quand la personne est dans la bonne gang, là, elle peut faire des scandales. Il n'y a aucun problème, mais C'est carrément réhabilité. fait pour. C'est de la provocation parce que c'est au grand jour, puis ils font exprès. Fait que ça en est de la provocation. Plus tu te choques, hey, insurrection. Un insurgé. Ben, c'est un peu comme quand ils disent que le convoi de la liberté, que c'était du monde dangereux, puis qui était armé. Puis voyons, ça a duré. T'as vu combien de temps ça a duré? Il n'y a eu aucun incident de violence. Alors exactement, puis ont été bons de garder la patience, ils ont été tellement provoqués, puis les Ben oui. policiers qui étaient après eux autres, puis que, tu sais, moi je leur donne chapeau, ces gens-là, de ne pas avoir commis des crimes ni rien. Ouais. Ben moi, je le voyais que. Moi, ça me surprend même qu'il n'ait pas fait un coup monté pour faire Les discréditer. un. Ouais, c'est un agent qui aurait fait de la Ouais, un violence ou. agent Finalement, provocateur il qui n'y a aurait rien infiltré eu. les rangs pour ensuite le pointer du doigt devant les médias. Mais pourquoi qu'il n'y a rien eu? Parce qu'il y avait des informateurs de la police qui informaient les manifestants. Moi, je l'avais dit dès le début, la plupart des policiers ils ont du bord du monde, là. Mais le monde, il croyait pas ça. C'est des prolétaires avec des familles. Probablement, quand il y avait des coups de même qui se préparaient, ils avertissaient. C'est les policiers qui les informaient. C'est là qu'a vient la panique à Ottawa de dire, ben là, ça nous échappait. Ils ont envoyé un gars avec un drapeau nazi pour accuser les. Puis finalement, il a été spoté tout de suite. Puis. Ouais, les manifestants l'ont tassé. Bah oui, parce que c'est un agent de la GRC. Fait que finalement, ça marche. Il n'y a rien qui marchait, là. Fait que bon, mais les policiers, de voir qu'il y a des policiers informaient les manifestants, c'est pas surprenant. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps dit, je disais, mettons qu'il y aurait une opération militaire par rapport à la population, ça va être des militaires d'une instance internationale qui vont envoyer pour faire ça. Parce que des militaires canadiens, ils vont pas vouloir malmener des familles puis des citoyens, là. Ils vont Ouais, qui faire pourraient bien du être monde. leurs proches, leurs amis, leurs membres de la C'est famille ça. aussi, là. Fait qu'ils vont faire comme on fait tout le temps dans ce temps-là, c'est des mercenaires qui font ces jobs-là. La sale job de gens d'extérieur qui ont été un attache, donc qui peuvent se comporter davantage comme des psychopathes. Ben oui, ils parlent même pas la langue. Ben, c'est ça crée un effet de distanciation sociale qui peut légitimer des comportements qui n'auraient pas autrement. C'est pour ça que j'avais dit. Admettons qu'à un moment donné, il y a des militaires genre de l'ONU qui patrouillent dans les rues de Montréal, puis que c'est du monde de genre du Costa Rica, du Honduras, des places armées. Là, ça va être vraiment grave. Parce que du monde de même, bon, je veux dire, c'est comme quand tu envoies des soldats canadiens faire des missions de maintien de la paix dans d'autres pays, mais finalement, tu es fait martyriser la population. C'est sûr, c'est plus facile. C'est du monde qui vient pas de là. Comme t'as le caporal Petit qui avait fait. Lui a fait une mission, je pense c'était en Europe de l'Est, je sais plus trop dans quel coin, je sais plus si c'était au Kosovo ou quoi. Je me rappelle plus, ben franchement, il faudrait que je recheck son témoignage. Puis je me demande si c'est pas dans le temps, lui, de la guerre dans le coin de Sarajevo et la Serbie. Puis lui, il expliquait, il dit ça n'a pas de bon sens ce que moi puis d'autres, on faisait, dans le fond, aux populations. Comment est-ce que les gens étaient vus comme. Il dit à un moment donné, on avait un truck avec des rouleaux de barbelés, puis on dépassait sur un pont, puis un gars, il n'y avait pas la place pour se tasser, puis tous les barbelés l'ont tout comme déchiqueté. Puis il dit, le militaire qui était avec moi, il a ramassé des pansements, il a sacré ça dehors par la fenêtre en voulant dire, tiens, mets-toi des plasters, puis il trouvait ça bien drôle. C'est comme ça que les militaires canadiens y agissent quand ils sont en mission ailleurs. Ils traitent la population comme des moins que rien. Ben, le monde, il ne faut pas être naïf. Si l'ONU nous envoie des militaires d'ailleurs, on va se faire traiter de même. C'est sûr. Et ça, c'est entre autres dans le scénario où il y aurait le gouvernement mondial là, qui prendrait le contrôle là, de toutes Ben, les tant qu'à moi, ça populations. fait longtemps que c'est fait. Oui, mais ça s'officialiserait. Ouais, là, ça serait pas mal officiel. Bah, ben, moi, je vais devoir. Oui, moi aussi, il va falloir que je quitte d'ailleurs. Donc, en fait, on a fait un enregistrement aujourd'hui que là, c'est sûr que ce que je dis aux gens, c'est que il y a une partie qui est disponible, qui va être disponible sur YouTube et la totalité de l'enregistrement va être disponible sur Audacy. Donc, vous allez pouvoir avoir le lien web là, en bas de l'enregistrement en partie sur YouTube pour pouvoir l'écouter en totalité. Et puis, je mentionne aux gens que si vous avez apprécié cet enregistrement, ou ce qu'aujourd'hui on s'est lâché lousse, là. Moi-même, j'ai utilisé des jurons, j'ai sacré. On a parlé entre autre, de l'injection, la crise de vaccin qu'on n'arrête pas de nous achaler depuis à peu près 2 ans pour nous sauver. Bon, on a dit ce qu'on pensait. Fait que si vous aimez cette liberté-là d'expression, vous n'aurez jamais dans les hosties de médias de marde qu'on a, que ce soit en France, soit en Europe, les médias de masse vous désinforment, vous traitent comme de la marde, vous infantilisent. Si vous appréciez cette alternative sur le plan médiatique que nous offrons, parce qu'on s'entend, Berthold, il passera pas à TVA. T'as pas été invité, hein, à la vue de TVA? Pardon, mais si m'invitait, j'irais pas. Ben, c'est ce C'est que je sûr. pensais aussi, là. C'est une gang de petites corrompues. Même chose Ben pour là. Radio-Canada. Fait que, bref, on vous offre quelque chose que vous ne retrouvez pas ailleurs. Donc, si vous aimez mes activités de diffusion web, parce qu'au fil des ans, ça fait quand même 5 ans que je fais des enregistrements avec Berthold. Vous en avez plusieurs là, sur Internet. En fait, tout le matériel que j'ai fait avec Berthold est présentement disponible gratuitement, là. Donc, si vous aimez ça, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et PayPal. Donc, si vous aimez cette initiative qui nous permet encore de parler librement, on ne sait pas pendant combien de temps. Ce que je dis aux gens, là, si vous aimez ça, faites-vous des copies des enregistrements parce que vous prenez rien pour acquis, là. J'ai entendu parler récemment, là, d'une loi du CRTC qui ferait en sorte que si elle est adaptée de la façon que je la comprends, c'est que tous les médias là, vont être régis par la radiodiffusion. Là. Tout ce qui est sur le web, là, comme les ondes radio, là, dans le sens que tout ce qui déroge des règles, là, on va dire, bon, faut pas que ça soit sexiste, raciste, xénophobe, transphobe, et ainsi de suite, un paquet de règles. Hey. Ben non, mais si le CRTC me dirait, bon, là, à partir de cette heure, tu vas suivre ces règles-là, plutôt, j'ai dit, ben où ma carte de presse? Fais-moi venir ma carte de presse, je suis un média, tu me traites en média. Puis une fois que je vais avoir ma carte, ben, je vais m'inviter à des places que d'habitude, on ne peut pas rentrer. Mais Tu sais, probablement que c'est ça va tout être de à poids, mais double mesure, puis tranchant. inquiète-toi pas qu'ils t'étonneront pas la carte de presse. Ben non, Puis eux d'abord, je autres, vais dire, ben ils. d'abord, quand j'embarque pas dans ces. T'sais. Même si tu veux pas, si c'est un règlement de l'État, on va devenir Chinada. C'est-à-dire, ils vont tous nous contrôler, les médias. Puis, tu sais, moi, la façon que je vois ça, c'est vraiment pas beau pour l'avenir. Moi, je sens qu'il y a une volonté de contrôle. Puis là, ils l'ont échappé un peu avec le mouvement des camionneurs, puis ce qui s'est passé. Ben moi, je pense carrément que, bon, en tout cas, que c'est un mouvement qui est en partie été fait par. En tout cas, j'ai tout à considérer qu'il y a une partie de tout ça que c'est le gouvernement un petit Ah peu. oui, une partie dans un convoi de la liberté Ouais. d'opposition contrôlée, d'expérimentation sociale, mais il y a quand même, moi derrière ça, ce que j'ai vu, il y a eu quand même, comment dire, ils ont été déstabilisés quand même à un certain niveau. On dirait. Je suis pas allé aux places, fait que je suis pas Non, c'est sûr. ça. Mais en tout cas, profitez-en pendant qu'il y a ces enregistrements-là sur le web. Et puis, vous avez le lien web là, de l'audiothèque que j'ai fait là, avec des enregistrements de Berthold. Il y en a au-dessus de 500. En fait, il y a aussi celui-là de Berthold en solo là, dans mon audiothèque. Il y en a au-dessus de 500. Fait que 550. Ouais. En tout cas, moi, je vais vraiment aller me coucher. Oui, moi aussi, je vais aller me coucher. Fait qu'écoutez tout le monde. Merci de votre écoute. Profitez de la liberté d'expression ou du peu que vous pouvez avoir sur le web pendant que c'est encore là. On se dit à bientôt. Bye. Bye.